Cuando Boca de Nahuelbe Akinga Boga Pina. Wanga Boka Ge Nahuelbe Atsangi Nabima na Mokele Mbanga. Wanga Boka Ge Nahuelbe Asoko Soko Nina Bididi Bididi Bidia Bidia Bidia Bidia Bidia Bidia. Wanga Boka Ge Nahuelbe Asimba na Bokande. Wanga Boka Ge Nahuelbe Apora Misimbo. Wanga Boka Ge Nahuelbe Nzambea Malia Kazi Mapopera Mana Ge Misenga. Kwa hiyo he Nakuta he Sungwa Sungwani Mamo Kukagonyo Sungwa U A Pando Pando Pando Heee Yewe Mwale Mwale, yewe Mwale Uka tewa ngovaga demba demba wema na mata na sima wema wete oke tambe na kuja na mwereza anda mabongo. Yewe Mwale Yubambi wani ya mwa mwata yewe Mwale Anya kinda mikuku Kukwani matuhi Yubambi ngosabu otele mkenji ima na wema uzo na wema nanda Mwaza mwili mwanga mamba. Tuna tsoto ya kuma tsoko mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili mwili. Kia wakubo tibo tibo tibo tibo ya magamba wapi timu mkwa bamba. Ya bambu wana ina mwata, bambu wate taa mwombo. Angu kanga na sumba ama kama boga na mbomba kanta na mbisa rendo na mkati bina na mbangu bina uba uwe kama nyama yangu wa gumina makeja na jibu mga na dinga wajama sema uwe kukuruja bija uwa na mbanda na mchuku lima nyamba mbangu na mbangu na kapinji mbanda na mkuta yangu wa koko imbe wetsawe sakoba nza kurenga nga mangu ni mamu tambago imba. Yangu wa dekadi ke mbongo mbongo kutuba mbongo mbongo saba na mbongo sanga kuma mbongo mangaji. Ya dekadi ke vore sami kuku chanji mbuka minanga na kitoja na obe. Ya dekadi ya biti pepa na mbongo. Ya dekadi bitako. Kono bitako liba. Ima uchema kwa ndona ngaji. Ima uchema kwa ndona kuma kungu wa kanza. Kenya kina mikuku. Iko koja ni namingo ngojani. Buti ya sima ponzi ma kochi. Buta mapote bamba langa. Kama pote bamba langa. Kani sonode kanaga. Bongo ni cheta mwombo ni mutata ni mkengeja. Mkugwana wenzi bojani. Iko koja ni namingo ngojani. Mkumu yango. Mkumu nango tige vya rezani kuku. Saji mweka mnanga na togina wabaya. Mwiki mwango tu mabama na mali ya mbongoda wana za mkei. Niko kwa ya mbongo ngojani. Anya kina mikuku na wepinja bongi. Uma ayi nongorai na makeja na libongo ya nabungu wajama asema uwe kuweko uja bugadi wana janda. Amchoku bina gamba ngana za pinji mbongo na makuta. Yewe Mwale. Anya kina mikuku. Yase mota kinda dingaga. Ama wenda se kuda peka uliloto wone tena choche wama chekombo di mawete njambumba mainga na wama yanga na golemba ka kutata se kina dinganga ukangoja ase mbebani tukutongo ni nami soba tuudaa. Kama wenda zile kutuja teka wena aku, wena aku wena. Tena choche ya kama chokumbo di mawete njambumba. Kedika na jelikuba. Mumene na jelikuba. Pandama na jelikuba. Mutoba wumu kwa wanjadi kuba. Nawe kututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Swanga, yengo. Kwapo popopopopopo kanda bungo chango. Kanda bungo chango. Swanga, yengo. Yongo, bengo bengo bengo bengo bengo bengo. Bonsoir à tout le monde. Soyez tous salués. Et merci. Permettez-moi, je vais essayer de voir si l'appareil est bien réglé là. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes techniques. D'accord? Voilà. Bien. Je vous remercie pour ceux qui ont répondu à mon appel. Nous allons donc tout de suite démarrer avec ce sujet. Sujet très profond parce que il a fallu l'accord des miens. Il a fallu l'accord des miens parce que c'est un sujet très, très sensible qui a carrément un rapport avec quand on parle de mort. Quand on parle de mort, ce n'est pas la définition d'une fin de vie ou d'une transition quelconque expliquée de manière scientifique, mais je parle du mouvement obligatoire du mouvement obligatoire de retour vers la terre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça la signification du mot mort. Mort veut dire mouvement obligatoire de retour vers la terre. Mort, mouvement, M, obligatoire, O, retour, R, T pour, qu'on appelle, pour terre. Donc nous avons M, O, R, T, 4. Et comme vous le savez, en termes de magie des nombres, le nombre 4, c'est bien le nombre qui symbolise la planète Terre. Donc, nous allons parler un peu, j'ai déjà expliqué ce que c'est la mort dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Avant donc de démarrer traditionnellement notre enseignement, j'aimerais ici donc souhaiter d'ores et déjà la bienvenue pour tous ceux qui sont nouveaux et passer mon salut fraternel à tous ceux qui sont déjà présents. Bonsoir à Rêve, bonsoir à Brice, bonsoir à Koud Tingabouk, bonsoir à Kigela Africana, bonsoir à Jordan Reto, bonsoir à Arlette Rigolet, bonsoir au docteur Roche, bonsoir. Pour ceux qui ne se font pas voir et qui sont cachés, je respecte cela. Car je sais qu'à cet instant, il y a au moins une vingtaine de personnes qui se sont déjà branlées, plus d'une vingtaine. Donc, ce sujet que nous allons aborder est un sujet très sensible, car il nous parle de comment justement préparer la mort. Comment préparer la mort ici, c'est-à-dire qu'il y a des préparatifs. Ce sont des préparatifs mystico-spirituels, n'est-ce pas? Je ne veux plus vous amener dans ce que c'est la mort, je vous le répète, car il y a deux vidéos qui sont ici qui parlent très bien des phénomènes, de ce qui se passe. Mais ici, il s'agit tout simplement de vous parler de la préparation, pourquoi cela est très important et comment cette préparation se fait, car il y a probablement des dangers éventuels si nous ne préparons pas notre corps. Et ensuite, il y a la deuxième question, mais qu'y a-t-il réellement dans les cimetières? Qu'est-ce qui se passe dans les cimetières? Y a-t-il des dangers là-bas? Au niveau des cimetières, là, on va amener nos corps. Donc, c'est au cours donc, de cet entretien que je vais avoir avec vous, où je vous permettrai naturellement de me poser toutes les questions, où nous allons justement aborder ce sujet très, très, très sensible. Avant donc de démarrer et de passer une petite hymne musicale qui nous permet d'entamer ce genre de sujet très sensible de la spiritualité purement de nos traditions africaines. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que le volume est bon? Je veux un oui sur l'écran, s'il vous plaît. Si le volume est bon pour pouvoir démarrer tout de suite. Est-ce que je peux voir les gens ici là-même? Merci, merci beaucoup. OK. D'accord, tout est bon. Bien. Nous allons d'abord donc écouter, comme d'habitude, une petite pause de musique de juste 3 minutes. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci de confirmer tout. Je vais pouvoir faire passer mon gombi là. Bien. Bien, je vous remercie donc d'être présent. Nous allons tout de suite entamer et rentrer dans le but du sujet. Donc, je disais que l'objectif de notre échange aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire ce que c'est la mort, d'accord? Car nous avons déjà 2 vidéos disponibles ici qui, je crois, elles ont au moins 3 ans. Et c'est des vidéos qui ont eu beaucoup de succès parce que là-dedans, je vous explique toutes les différentes étapes de la mort. Et qu'est-ce que c'est la mort? Comment ça se passe? Du détachement corps-objet et aller dans l'au-delà. Mais aujourd'hui, il s'agit de comment préparer la mort. Pourquoi j'insiste beaucoup sur la préparation de la mort? Nous allons découvrir cela. Et ensuite, au niveau de ce métier, qu'est-ce qui se passe? Parlant de la mort, justement, quel est le mouvement, c'est-à-dire le côté magique de la mort? De ce métier, le lieu de paix, le lieu de repos des corps, des êtres humains. Y a-t-il des dangers d'emmener les corps de vos parents dans les cimetières publics, dans les cimetières qui se trouvent à la droite ou je ne sais où, ou dans les cimetières municipaux? Et ici, aux États-Unis, nous avons des cimetières qui sont gérés par les mairies, Est-ce que c'est bon d'amener les parents là-bas? En réalité, qu'est-ce que c'est le cimetière? Mais qu'est-ce qui se passe dans les cimetières? Donc, c'est ce côté lugubre, sombre, mystique et sorcier, et aussi spirituel, parce que ce qui nous réunit tous ce soir, c'est ce côté spirituel qui nous intéresse. Parce que je vous informe qu'il y a aussi un aspect spirituel, donc un aspect, quand je parle de l'aspect spirituel, c'est-à-dire que de l'élévation de votre esprit, de l'élévation de votre âme, et de l'élévation de votre être-té, c'est-à-dire la divinité exprimée de Theta Mwanga en vous, puisque ayant été créé à l'image de Dieu, vous êtes justement cette ressemblance divine. Vous êtes donc une divinité par essence originale et fondamentale. Donc, arriver à cette compréhension donc de l'amour, disais-je à mes propos du début, tant pis pour ceux qui vont venir en retard, ne venez plus poser des questions. Donc, c'est pour cela qu'il est grand temps déjà d'inviter ceux qui sont absents. C'est vrai que j'ai eu un petit retard de 7 minutes. Veuillez me pardonner. Bien. L'amour, il faut d'abord comprendre que métaphysiquement, la définition de l'amour en tant que sorcier dans les rites, pour ne pas dire dans l'ensemble des rituels que nous pratiquons, pour pouvoir rentrer dans le cimetière, nous utilisons le code de découpage du mot mort. Et même avant de faire la pratique de ce que mes frères du Cameroun, chez le peuple Bamileke, le rite qu'on appelle le rite des crânes des morts, le rite des crânes des morts qui se font dans des cases. Il y a des cases réservées pour ces crânes des morts. C'est-à-dire que chez les peuples Bamileke, je détiens ces informations des initiés. Notre cher petit frère Lolion, que j'ai vu un bon moment, on en a partagé certaines connaissances. Il m'a même fait visiter la case des crânes de ses parents et bien d'autres frères camerounais qui, originairement des Bamileke, j'ai eu ce privilège-là de visiter ces milieux. C'est-à-dire que chez le peuple Bamileke, les corps de leurs parents, pour la plupart, ceux qui connaissent bien leur histoire ancestrale, ils ne les amènent pas dans les cimetières municipaux. Hein. Et chez le peuple Fang, ce qu'on appelle le Melana, nous avons chez nous, chez le peuple Fang du Gabon, et chez les Biti, je crois, au Cameroun, c'est les mêmes pratiques. Le Melana. Le Melana également est pratiqué au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon. Ce Melana, c'est justement une grande compréhension métaphysique du mort ou de la mort. Car je préfère le nom mort. La mort veut dire cet état du mouvement obligatoire du retour vers la terre. Mais ce mouvement obligatoire du retour vers la terre, là je vous donne la définition du mot mort dans le contexte purement métaphysique. Mais cette définition, elle ressort du livre de nos amis religieux. Que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, on nous dira quoi? Poussière, tu es poussière. Car l'homme fut créé à partir de la poussière, à partir de la terre. Mais comme il fut créé à partir de la terre, mais cette matière que vous voyez, ceci, c'est de la matière. Ça, c'est la terre. Donc, vous verrez que le mot mort a sa définition, non pas comme cessation d'activité, ni déclaration de cessation d'activité cliniquement, et spirituellement, parce que la mort spirituelle n'existe pas. Le mot mort, en fait, tire son essence à partir de la matière, car l'homme fut créé à partir de la matière. Voyez-vous, voilà pourquoi nous, en métaphysique, on définit le mot mort comme simplement étant le mouvement obligatoire du retour vers la terre. Car poussière, tu es poussière, créé d'abord à partir de la matière. Mais c'est de cette composante de la terre qui a été créée, il y a une forme de poupée, dans laquelle l'homme fondamental s'y intégra. Voilà pourquoi dans tous mes enseignements, j'ai toujours dit que l'homme qui vous parle ici, ce n'est pas cet homme que vous voyez. L'homme que vous voyez n'est que la résonance. L'homme que vous voyez n'est que le corps le plus grossier que vous pouvez voir. Ça dépend de la manière dont on entretient ce corps physique. S'il est mal entretenu, ben vous serez vilain à voir. S'il est bien entretenu, quelle que soit la forme de votre nez, vous serez belle ou vous serez beau à voir. Voyez-vous? Donc, l'homme, comme je l'ai toujours dit, est esprit. Nous sommes esprit d'essence. Tous, vous qui me regardez, vous êtes esprit. Pourquoi je le dis? Mais lorsque vous dormez, vous rêvez, n'est-ce pas? Mais quand vous rêvez, ce n'est pas le corps physique. Vous êtes transporté dans les plans oniriques, on appelle ça. Ces plans oniriques, c'est la fenêtre ouverte qui vous permet de vouloir se détacher du monde matériel et d'aller dans le monde inconscient que le commun des mortels ne maîtrise pas. Mais en réalité, c'est là-bas où se trouve notre véritable essence, notre véritable origine. Donc, la mort s'applique uniquement dans le plan matériel. Mais nous pouvons préparer cette mort comme étant le mouvement obligatoire du retour vers la terre. On peut préparer cela. Et c'est ça le comment qui nous intéresse ce soir. Pourquoi je suis arrivé avec le comment? Mais justement parce que j'ai observé qu'il y a eu beaucoup de guerres au sujet de mort. Quand il y a un mort, il y a trop de guerres autour de cette femme, autour de cet homme qui nous a quittés. La guerre commence d'abord par les histoires des os. Et veuillez vous abonner pour ceux qui sont nouveaux, je le répète encore sur cette chaîne, obligatoirement et nécessairement, car tout ce qui est phénomène de la mort, je l'explique ici. Et il y a un enseignement que je donne intitulé « Pourquoi les hommes d'affaires, les hommes politiques s'intéressent tant aux os des morts ?» Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces os des morts-là? Quand on lave les morts, les corps des morts, mais ces os-là, je vous dis, sont prisés. Vous verrez même qu'on interdit les parents d'être là pendant qu'on lave le corps. Parce que c'est un business lucratif. Ça rapporte beaucoup de millions. Dans certaines compagnies mortuaires, c'est-à-dire dans les morgues. Voilà pourquoi il est important de préparer votre mort. Mais cette préparation de la mort ne se fait pas par n'importe qui. Maintenant, si vous n'êtes pas initié, oui, il y a des procédés où vous pouvez quand même le faire. Eh bien, suivez attentivement mes propres expériences. Je vais mélanger ces expériences avec quelques traditions que j'ai observées. La tradition que j'ai reçue auprès du peuple Yoruba, qui m'avait donné ce chapeau de pouvoir, ce chapeau rouge. Et j'espère que c'est les mêmes pratiques qui se passent certainement au niveau de chez nous, le Gabon, et en Afrique de l'Ouest, je vous l'ai dit, en Afrique de l'Est également. Parce que j'ai discuté avec quelques amis de la Somalie. Bien, le comment. Une fois la personne, d'abord le vivant de la personne, en tant qu'initié, vous pouvez préparer votre mort également. Je me réfère au document écrit par Monsieur Messager, celui qui a écrit le livre intitulé « La lumière sur le royaume ». Ceux qui ont le livre bleu, j'appelle ça le livre bleu, la lumière sur le royaume, vous verrez qu'il y a un rituel qu'on appelle la préparation de la bonne mort. Je ne me rappelle plus la page, mais je sais qu'il en parle. Donc là-dedans, on montre une technique, comment vous pouvez vous aider. Vous pouvez, quand vous sentez la mort venir, on commence à vous enseigner à partir de l'âge de 55 ans, 60 ans, vous devez maintenant... Ça n'a rien à voir avec le dédoublement conscient, s'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir. Bien que c'est un peu... semblable, mais ça n'a rien à voir. C'est un entraînement où on vous apprend comment vous dématérialiser en vue d'aller dans d'autres mondes. La dématérialisation n'a rien à voir avec la bilocation. Car la bilocation, c'est un voyage conscient que vous opérez même à partir de votre lit. Bon, si vous êtes avancé comme nous autres, moi je le fais même quand je suis dans le train. Je le fais même pendant que je conduis ma voiture. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Quand il s'agit de la bilocation avec téléportation, c'est-à-dire pendant que je suis avec vous ici, eh bien, je me concentre et au même moment, on me voit également à Minvoul et on me voit au même moment à Berlin. On peut me voir au même moment également à New York pendant que je suis ici sur Dayton, Ohio. Ça, c'est ce qu'on appelle la bilocation par téléportation. C'est la troisième forme de sortie astrale. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la dématérialisation. On prépare. Comment vous pouvez préparer votre propre mort Donc, on vous forme. Donc, je vous donne la référence, s'il vous plaît. Je ne veux pas faire trop faire de littérature parce que mon temps est limité. Je vous permets de vous poser beaucoup de questions. Je préfère que vous puissiez parler plus. Allez-y lire le livre bleu intitulé « La lumière sur le royaume » écrit par Monsieur Messager. Bon, bien sûr, c'est Alexandre Moriasson qui est l'éditeur actuel. Vous aurez plus de connaissances pratiques. N'ayez pas peur parce que je vous ai toujours dit que la spiritualité n'aime pas les peureux. Bon, puisque vous voulez le mot spiritualité, parce que quand je parle le mot magie, ça fait peur aux gens. Tout ce qui est magie, hein, si vous êtes peureux, pardon, n'osez même pas. Donc, cette technique, vous la faites vous-même. Vous n'avez pas besoin de manger le bois sacré, vous n'avez pas besoin d'être sous l'influence de quoi que ce soit. Vous le faites pendant 3 mois. Moi, mon expérience était après 9 mois que je commençais à le sentir. Même jusqu'à présent, je le fais. Ça veut dire que si un accident arrive, si telle est la volonté des génies, et pendant que je dors, je fais toujours le même exercice. Ça veut dire que même si on vient me tirer dessus, je n'ai aucune douleur. Tranquillement, je quitte ce corps-là. Et c'est ainsi que mon âme ne va pas être volée par qui que ce soit. Ça, c'est le premier bénéfice. Comment? Je l'ai expliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez empêcher à ce que les voleurs d'âmes, les gens qui ont soif du pouvoir, ne vont pas s'accaparer de votre âme. Voilà pourquoi il est important. Voilà pourquoi j'insiste sur le comment. Maintenant, le mort, il est là. Vous devez vous rassurer. Vous verrez la relation sine qua non entre la préparation de la mort et le phénomène de cimetière. Pourquoi ne pas accepter que votre parent soit entré dans un cimetière sans que vous-même vous y allez? Mais là, j'ai noté quelques éléments très importants que vous devez faire, même si vous êtes minoritaire. Supposez que c'est votre père, parce que là, j'ai mes enfants qui me suivent. Je parle des enfants laissés par mon petit frère, puisqu'il est parti. Et je leur ai promis que cette vidéo-là leur est adressée personnellement. Parce que c'est des enfants, aujourd'hui, ils ne savent pas. À un moment, mon frère était pasteur, il a laissé, il est parti dans d'autres choses, à gauche, à droite, je ne sais pas. Donc, les enfants, du coup, étaient embrouillés, ils étaient encore tout petits, je m'en souviens, on les amenait souvent à l'église ensemble. Donc, ils ont besoin de savoir ces informations-ci. Le corps n'est pas encore enterré, Dieu merci. Donc, mes enfants, vous qui me suivez, c'est très important. Comment vous pouvez préparer la mort de votre père afin d'éviter que quelqu'un puisse en approprier de l'esprit de votre père ou de le manipuler? Et ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à vous qui avez des parents qui meurent. Donc, le comment se passe d'abord à partir de la maison. Vous devez voir tout mouvement louche. Parce qu'il y a des parents qui sont des initiés, des vrais sorciers. Hein. Je parle des sorciers négatifs. Moi-même, je suis un sorcier. Mais il y a des sorciers négatifs qui vont chercher, coûte que coûte, à être autour de ce corps. Surtout moi, j'ai connu mon frère. J'ai connu mon petit frère. Il ne me cachait rien. Il était dans pas mal de milieux. Bon, bien sûr, on ne fréquentait pas forcément les mêmes milieux. Mais dans la culture et dans la haute tradition galloise, il était en plein. Et tous ceux qui étaient initiés avec lui dans ces milieux, imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire. Voilà pourquoi il est important de savoir ce genre d'informations. Parce qu'il y a souvent des frères qui peuvent venir voler, qui peuvent profiter. J'ai utilisé une expression dans la plupart de mes lives, on appelle ça le kwatage, rokwata. Chez le peuple ngomienne, quand on utilise le mot rokwata, kwata veut dire attraper. Mais on ne peut pas kwata un être humain. Donc le verbe rokwata s'applique nécessairement et forcément aux esprits des partants. Il y a des mecs qui ont ces pouvoirs-là, y compris votre âme serviteur. Je sais comment ça se passe, comprenez? Mais je n'ai pas le droit. Mais par contre, si vous voulez venir kwata les esprits de mes arrières, grand-père, de mes machins, avec votre sorcellerie, si vous voulez venir les kwata, moi je vais vous voir clair. Mais il y a des techniques, justement, qui permettent de vous tuer. Et là, justement, c'est là où un véritable initié est autorisé à faire le mal. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de venir kwata les esprits de ma grand-mère ou les esprits de mon grand-père. Souvenez-vous, ceux-là à qui je fais des travaux sur comment vous pouvez rentrer en connexion avec vos arrière-grands-parents en vue de vous donner une solution immédiate à un problème que vous avez. Je vous ai toujours dit quoi? Ne prononcez pas les noms de vos ancêtres. Bon, au pays des Blancs, ici, ils s'en foutent. Si vous dites, ah, je suis Ziza, Ziza, fils de Ziza, arrière-petit-fils d'Enkero, arrière-petit-petit-petit-fils de Adianopolo. Vous pouvez prononcer les noms ici aux États-Unis ou bien en France. Le Blanc, il s'en fout. Il va dire, mais lui, là, il délire, il raconte quoi? Mais au Gabon, mes frères, au Gabon, vous osez prononcer le nom de votre grand-père pendant que vous faites le rite? Mais le sorcier qui est là dira, Nkende, ah, Nyambie, je cherchais l'esprit de M. Adianopolo. Parce que Adianopolo, je connais son histoire. M. Adianopolo, je m'en souviens avec M. Raimondo. Ils étaient dans de grandes sectes mystiques à Lambaréné, au lac Zilé, là. Ils étaient avec les vieux Bapinji, les quelques frères Pygmé Babongo. Mais c'est pas possible. Ah, ah, ah, ah. Ce petit est en train de l'invoquer. Oh là là, je vais sortir. Oh, moi, Ziza, je sors de moi. Je veux voir ce qui se passe. Ça paraît humoristique, mais c'est la vérité. Donc le mec va sortir. Consciemment, il sort. Parce qu'il a entendu, vous avez cité le nom d'Adianopolo. Voilà pourquoi je vous le répète. Je sais de quoi je parle. Parce que l'une de mes grand-mères a failli être victime du couattage. Oui. Parce que par erreur, il y a de cela 3 ans, je prononçais toujours son nom. Vous avez suivi mon rite d'entrée ici. Vous m'avez entendu citer le nom de quelqu'un. J'ai fait passer les paroles que mes frères Pygmé m'ont envoyées sous enregistrement. Ceux qui sont du Bouété savent de quoi il s'agit ici, là. J'ai dit des mots dans ma langue kota que je maîtrise. Et quoi, popopopo, et mon combo, c'est Njoku Mutete Nkota Njoku. Voilà mon combo, pour ceux qui veulent savoir. Parce qu'il y a des frères du Bouété là qui m'ont dit, c'est qui? Njoku Mutete Nkota Njoku. Rentrer dans l'analogie de ce qu'on appelle Njoku. Et quand le Njoku est debout, Kondanjoku, c'est quoi? Ceux qui sont véritablement initiés, ils savent. Quand ils regardent l'éléphant, ils regardent. Bref, chacun de vous, quand il sort de son initiation, il y a un totem. Quelque chose qu'on vous remet en dehors de la sitar, en dehors de l'instrument. Mais la plupart, 90%, ce sont des sitars. Sauf un cas exceptionnel. Mais l'être qui vous apparaît, chacun a son bouté haut et chacun a son combo. Donc, évitez, parlant toujours de la préparation du mort. Pourquoi? Parce que ceux qui ont connu un parent, votre parent qui est mort, s'ils l'ont connu dans des sectes, dans des milieux où il était très puissant, par exemple, moi, votre humble serviteur. Ah, monsieur Moréon Ouvier, oui, il faisait des lives, il était ceci, il était dans des milieux, ouais. Quoi, il est mort, ouais, il faut que je sois là-bas. Je vous avertis, oh. Vous n'allez pas facilement m'avoir. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, je me suis fait initier dans près de 26 milieux. Il y a les Yoruba dedans. Il y a les gens de l'Inde dedans. Il y a les Brésiliens dedans. Il y a les gens, les Népaliens, qui sont dedans. Il y a les Sakés, il y a les Bakota, il y a les Galois, il y a les Gissir. Il y a les Okandais. Il y a les Benga. Maintenant, vous allez me trouver où? Vous allez vous battre avec tous ces mecs-là. Je vous ai dit, j'en ai 47. Donc, il faut faire très, très, très attention. C'est aussi une forme de comment préparer votre mort que j'ai faite en vous initiant dans des milieux. La question m'a été toujours posée, mais pourquoi vous initiez dans tous ces milieux? Je n'ai pas dit que je m'initie pour prendre tout, que tout est forcément bon. Non. Je prends ce qui est bon. Chez nous, chez mes amis Yoruba, là, j'ai pris quelque chose que je ne peux pas vous dire. Et ça va me servir. Mais je vous dis, c'est la même chose comme dans les arts martiaux, non? J'ai commencé par le Shotokan en 1974, par le grand frère Akenege Jeannot. Il y a Jeannot, que Dieu est son âme. J'ai appris qu'il nous a quittés. Et après, je suis allé avec le maître Nangema, que Dieu est son âme, l'ancien directeur général de la ELF. Et après, je suis allé avec M. Makanga, qui était un ancien officier de la Marine nationale. J'ai appris également qu'il est mort. Et M. Vili, à l'époque, c'est lui qui m'avait donné la ceinture marron. Et après, je suis allé au lycée technique. Et au lycée Dini, avec le maître Mubamba, et avec le maître, j'ai passé plus le temps avec le maître Mapangu Mukani Mouetsa. Que Dieu ait son âme également. Voyez-vous? Pourquoi je changeais à chaque fois? En fait, je cherchais un style, parce que je suis de nature bagarreur, je cherchais un style qui me permettra de combattre à l'aise. Pas des histoires de faire les katas, fatiguer mon esprit, et finalement, face à un combat réel, l'autre va me calboigner. Et quand j'arrive aux États-Unis, je me suis adapté à un style très approprié. Bref, dans toute science, vous choisissez ce qui vous convient. C'est la même chose. Dans mes initiations que j'ai reçues, j'ai préparé. C'est le comment préparer mon âme. Parce que quand je me retrouverai dans l'au-delà, je connais parmi mes enfants qui j'ai donné tous mes pouvoirs. Ils peuvent me déranger. Même si j'atteins l'immortalité. Je vais vous expliquer le phénomène qu'on appelle le prototype. Le prototype veut dire que même si votre âme ne se réincarne plus, que vous êtes dans d'autres plans, vos parents peuvent tous se connecter à vous. Je ne sais pas. Bref. Donc, le comment, lorsqu'ils vont laver le corps de votre parent, surveillez les faits et gestes. Soyez là. C'est le comment. Rassurez-vous que tout le dernier linge, la dernière tenue qu'il avait le jour où il est mort, ça c'est très important, hein? La dernière tenue que votre parent avait lorsqu'il est mort, vous devez immédiatement rentrer en possession de cette tenue. S'il avait un chapeau, vous le prenez. S'il avait une chemisette, vous le prenez. Une soutane, vous prenez. La culotte, le slip, tout. Vous devez enlever cela. Ou du moins, parce que chez nous en Afrique, on dira, oui, il faut forcément les initier. Il faudrait que ce soit les initiés qui soient là pour pouvoir faire cette cérémonie. Même quand les initiés arrivent, vous dites, je suis le fils légitime, je suis son fils, et s'il vous plaît, avant de commencer quoi que ce soit sur le corps de ma mère, de mon père, si c'est la femme, c'est la fille. Mais comme vos histoires d'alléluia aujourd'hui, vous négligez ça. Voilà comment l'Afrique ne va pas avancer. Il y a des grands mystères derrière la mort. La mort étant ce mouvement obligatoire du retour vers la terre. Parce que terre, poussière, tu es poussière, tu es poussière. Mais l'âme, qui est la quintessence, l'essence, l'esprit fondamental qui fait de vous l'être éternel d'incarnation en incarnation jusqu'à atteindre l'immortalité finale. C'est ça. Donc, vous prenez les tenues. Ça, c'est le premier pas, le comment. Vous prenez ça. Vous emballez et vous mettrez ça dans un sac qui n'a jamais été utilisé. Mettez ça dedans. Si possible, dans une valise que vous allez trouver un cadenas, vous fermez. Mais, s'il avait les chaussettes ou la chaussure, voilà pourquoi nous les initiés, ça me dérange pas. Voyez mon pied, il est là. On ne porte pas, bon, c'est parce que peut-être je suis dans mon temple ici. Et même quand je suis dehors, au niveau de mon salon, je ne porte pas les chaussures. Et nous, à propos de la technique, comment se préparer à mourir justement, eh bien, nous savons où nous devons mourir. Le véritable initié doit le savoir et quand nous devons mourir. La mort ne nous surprend point. Comprenez? Donc, vous enfermez ça dans un coin. Ça, c'est un. Et de deux, vous devez insister que les os, justement, les os de votre parent, qu'on a lavé son corps, là, vous récupérez les premières os. Donc, la sueur de son corps, tout. Vous exigez cela. C'est mon père, il m'a laissé des consignes. Voilà pourquoi moi, mes enfants, c'est écrit, hein, tout est écrit. Moi, je ne vais pas vous montrer ça en public. Voilà le grand document. Voilà le titre du document. Quand M. Moreau Nouvier quittera ce monde, consigne à respecter par mes enfants. Je n'ai pas dit par mon épouse. Hein, la femme n'a rien à voir là-dedans. Enfin, quand je serai celle qui finira le reste de sa vie avec moi. Elle va lire le même document. Mais ça s'adresse à mes enfants. C'est combien de pages là? Il y a près de 27 pages. Plein. Ça, c'est moi. C'est pour moi ça. Il y a des consignes dedans. Ce qu'il doit faire, c'est dedans. Mes comptes bancaires, mes assurances, tout est dedans. Là où mon corps doit être, comment il va être brûlé, si c'est par incinération, si on doit brûler mon corps, parce qu'il y a trop de sorciers, je ne peux pas vous dire. Ou bien il doit être enterré. Où? Aux États-Unis, à Oronga, ou bien à Ndougou, ou bien à Libreville. Tout est expliqué dans ce livre-là. Donc voilà comment on prépare également sa mort, mes frères. Comprenez? Et ça, là, j'ai préparé ça depuis l'âge de 37 ans. Ça fait près de 20 ans que j'ai préparé cette affaire-là. Donc, vous devez apprendre à préparer votre mort. Car c'est là où il y a tout. Donc, je disais, les os, les récupérer. Et ensuite, vous parlez. Vous demanderez tout le monde de sortir. Vous demandez tout le monde de sortir. Direz aux initiés, pardon, laissez-moi seul avec mon père. Tout ce que je vous dis là, je l'ai fait. Voilà pourquoi on m'avait accusé que c'est moi qui ai tué mon père. Mais ils oublient que quand mon père était malade, personne. Je vous ai déjà raconté ma vie, et je ne me gêne point. Les enfants de son épouse qu'il est allé prendre dans le Fernavaz, sur qui il avait dépensé plein de millions. Et moi, pendant ce temps, je souffrais. J'étais élevé par la maman Nina, la maman de M. Jean-Ping, que vous connaissez. Élevé par Kako Taroya, Kako Savu, à Ombwe, des vieilles mamans Ngoé. C'est pour cela que je parle Ngoé à cause de cela. J'habitais dans le terrain laissé par mon oncle et grand-père, le prince Birinda, que vous avez entendu parler, qui a écrit la fameuse Bible noire, c'est-à-dire sur le Bouété, l'auto-initiation. Moi, il ne savait pas qu'on était parenté. Il a laissé un terrain. Lequel terrain, d'ailleurs, M. Chen Charles, le frère ou cousin de M. Jean-Ping, son grand frère, là, l'ancien DG, il était mon DG à Shell. Il a pris une partie de ce terrain. J'étais même fâché. Il avait sa partie. Et mon grand-père d'Imbuku Antoine, qui n'est plus de ce monde également, a laissé un grand terrain à côté de la famille Binet. Là, je parle de Ombwe, avant de monter à l'hôpital d'Ombwe là-bas. Tout cela, c'est très important de connaître son histoire. Donc, la préparation, vous demandez les gens de sortir. Vous parlez. Pourquoi ce protocole doit se faire dans les 72 heures? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois que toute personne qui meurt, je n'aime pas le mot mourir, hein, mais puisque c'est le verbe qu'on utilise par les communs des mortels, mais nous, en tant qu'initiés, on dit toute personne qui décide de transiter ou de quitter ce monde, normalement, c'est pendant les 72 heures que son âme rôde autour. Et pendant ces 72 heures, aucun bruit n'est toléré. Et pour nous les initiés, il faut chanter, il faut préparer le mort. On prépare ce mort. Et pendant que vous le préparez, son âme est encore là. Je dis bien pendant 72 heures. C'est après 72 heures que son âme disparaît du plan terrestre. Et quand je parle du plan terrestre, c'est-à-dire que de 0 à 50 km de la planète Terre, parce que c'est là le degré de la première et deuxième sphère dans le plan invisible, part de 0 à 50. Maintenant, les miasmes du bas astral, les âmes désincarnées qui étaient des soulards, des bandits, des voyous, qui n'avaient aucune initiation, aucune connaissance, qui étaient des assassins de ceci et cela, leurs âmes qui ont été arrachées brutalement, soit par un accident mortel, mais mystique, un fusil nocturne bombardé sous les couilles, sur la femme d'autrui, ou bien mort par un accident de circulation, mais que ces mecs-là veulent venir vers leur famille, ou encore vous qui aimez trop pleurer là, allez-y m'appeler les femmes de la Nyanga, oh maman, oh ya yo, bon, que mon frère, mon Bakoum Kombil, comment il s'appelle, je l'aime bien, hein? Mon petit frère là, je l'aime bien, le pleureur, la science de pleurs. C'est pas mauvais de pleurer. Mais quand leur manière de pleurer, là, ça c'est scientifique, c'est mystique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de pleurer. Mais ils sont en train d'exprimer beaucoup de choses pour nous, les vivants qui restons. Bref, il ne faut pas qu'on mélange les pédales. Donc, les âmes de ces mecs-là, c'est à cause du manque de préparation du corps. Parce que si vous ne préparez pas le corps de l'individu qui a eu l'accident du tout, son âme va errer ça et là, voulant revenir vers la famille, à cause de vos émotions. Vous pleurez n'importe comment, vous criez n'importe comment, vous pensez trop à lui. Oh, ya, yo, ça me parle, Jean Fidèle, là, je serai comment, mon Dieu, ya, ya, il me prenait bien au lit, mon Dieu. Ya, yo. Les émotions retiennent cette âme-là. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on prépare. La préparation de la mort doit exiger de votre part un détachement total émotionnel. Ça veut dire que même la femme doit vraiment faire le maximum. Voilà pourquoi on écarte la femme de toutes ces histoires-là. On écarte la femme. Donc, vous parlez. Et après avoir parlé, vous dites ce qu'il y a lieu de dire. Et vous sortez. Vous dites maintenant aux gens là, bon, allez-y. Vous comprenez? Ceci doit se faire dans les 72 heures. Même avant d'amener dans les histoires des morgues. Les morgues. D'abord, un véritable initié, on ne met pas son corps. Moi, mes enfants savent, quand je meurs, il ne faut pas m'amener dans les morgues. Hein. Je n'ai pas besoin. Là où je suis tout seul aux États-Unis, tous les soi-disant parents, on ne les voit pas. Personne n'est venu à mon secours. Mes enfants souffrent au niveau du Gabon. En dehors de quelques-unes, surtout mes filles qui sont quand même prises en charge par les mamans. Mais imaginez-vous. Rien, aucun parent. Ils veulent seulement profiter de moi. Maintenant, demain, après demain, si je meurs, ils vont dire, oh, ya, yo, oui, on avait un frère, on a un machin, on a un oncle, un grand-père, les larmes de crocodile, n'importe comment. Je ne suis pas dedans. Donc, on ne va pas me mobiliser mon corps. J'ai une assurance mort ici. Deux assurances mort d'ailleurs. Ça existe aux États-Unis. On appelle ça de life insurance. That's the purpose of a life insurance is to make sure when you die, they're going to make sure that they're going to buy everything to make sure that you are buried in a very, you know, in a very proper way. C'est ça. C'est pour ça qu'on a les assurances mort ici. Là, moi, je ne sais pas comment ça se passe au Gabon. Après, il faut demander les cotisations. Non, non, non. Moi, vous n'avez pas besoin de demander les cotisations si les gens, oh, yayo, monsieur Moré est mort. Il faut qu'on fasse des cagnottes. On va faire comme à yayo. Bon, vous pouvez faire vos cagnottes, il n'y a pas de problème. Hein, peut-être pour prendre soin de je ne sais pas qui. Mais dans mes papiers, là, je dis à mes enfants, dès que je meurs, je ne veux pas qu'on fasse comme les musulmans aussi, là, aller me casser les os n'importe comment. Vous respectez le délai de 72 heures, c'est tout. Parce que la décomposition du corps, normalement, commence après 72 heures. Pourquoi? Mais parce que c'est en 72 heures que l'âme, après 72 heures que l'âme a quitté définitivement ce corps-là. C'est fini. Tout ce que vous faites là, c'est des simulacres. Voilà pourquoi la tradition exige que pendant les trois premiers jours, taisez-vous, chantez, peut-être remémorez la vie de ces mecs-là, de cette femme-là. Oh, mais vraiment, lui-là, le type-là. Oh, maman. Hey, mon mari, il m'amenait souvent, je vous dis, le capitaine-là. Il m'amenait les poissons. Il m'amenait ceci. Hey, et je me rappelle, de temps en temps, quand on se disputait, il m'amenait le whisky sur la table. On était là tranquille. Voilà. Des beaux souvenirs pour que son âme se libère. D'accord? Maintenant, nous allons passer au cimetière. Le danger du cimetière. Qu'y a-t-il là-bas dans le cimetière? Parce que je suis toujours en train de regarder le temps pour vous permettre de poser les questions. Voilà, il me reste seulement 5 minutes. Ya, yo, est-ce que je pourrais? Le cimetière, c'est un lieu de repos, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein? C'est le lieu où on va mettre les gens. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est là-bas où on va mettre donc les gens. On va les enterrer là-bas. Et puis, on se dit qu'ils sont en repos. Mais en réalité, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Maintenant, il nous faut en amener votre corps de votre parent au cimetière. Première chose que vous devez faire, rassurez-vous que lorsque le caveau... Chose très importante. Et j'ai appliqué tout ce que je vous dis. Hein. Demandez à mes cousins, mes parents, mes frères. Les gens m'ont accusé que mais toi, ton père est mort mystérieusement. Qui l'a enterré? J'ai dit chez moi. Oh, mais toi, ta mère, qui l'a enterré? J'ai dit chez moi. Demandez à mes cousines qui vivent encore. Je ne veux pas citer leur nom ici. Là. J'ai mes frères qui sont là pour gentil. À la mort de mon père, c'est moi qui suis allé choisir le caveau. Et je me rappelle là où on l'a enterré. C'est très important. Hein? La mort de ma mère, pareil. C'est moi qui ai payé le cercueil. Je ne me suis pas endetté, mais j'ai fait mes petites économies parce que je voyais que ma mère, tout le temps, communiquait. Pendant 6 mois, elle me disait, ah, moi, un ami, elle me parlait en échira. Mais comme elle parlait bien le galop, ah, moi, ami. Mais il y a un zélé. Zélé, moi, je suis un ami. Parce qu'elle était une initiée dans près de 5 différents milieux. Elle était initiatrice de Mugulu, elle était initiatrice de Nyembi, ce que vous pouvez appeler, elle était une Ngwebilo dans le Djembe. Mais le Nyembi, on appelle ça chez les Échira. Dans le Mugulu, Bilombu, beaucoup de choses. Donc, elle savait, elle m'a transmis beaucoup de connaissances. Elle me disait, mon fils, je m'en vais de l'autre côté. Mais maman, pourquoi on me laisse, toi, si tu as trop souffert, déjà toi, on te critique trop, toi, tu es mon fils unique, tu es le dernier né. Et, mais les jumeaux sont morts, ta grande soeur est partie, tout le monde te déteste, pardon. Celui qui va oser te faire du mal, là, il va être maudit. Oh. Moi donc je vais partir, tu souffres trop, mon Dieu. Avec ton petit salaire, tu me présentes le bulletin, tu gagnes seulement 350 000. Là. Et, inspecteur, gros titre, mais te voilà les ordonnances, il n'y a que toi. C'est quoi cette affaire? Entre temps, ma mère avait rendu la plupart des services aux femmes à Omboué, à Port-Gentil, partout. Elle soignait les gens, elle avait les pouvoirs. Les femmes qui sont stériles, elle guérissait. Les hommes qui sont impuissants, elle guérissait. C'est elle qui m'a donné toutes ces feuilles-là et tous ces pouvoirs. Bref, ça vous dit quoi? Voilà pourquoi je répète pour revenir sur mon cas. Si je meurs, pardon, c'est peut-être vous qui allez me pleurer, là, vous qui me suivez là. C'est vous. Il n'y a pas de problème, vous allez apporter des fleurs. Oh? Mais mes parents là, pardon, faut pas me dire, non, on va garder le corps pendant combien. On attend d'abord son fils. Non, attendez pas mon fils. Mes enfants, ils sont là, ils savent. Là où je mourrai, ils sauront. fille comme garçon. On va attendre le grand-père. Quel grand-père? On va attendre l'oncle. Quel oncle? Je me suis battu tout seul dans ma vie. Le seul que je vais reconnaître, je vais citer son nom en plein live, c'est M. Michel Marang. Ce n'est pas parce qu'il était témoin de Zoba, il est témoin de Zoba que moi je vais renier mon grand frère. Voilà le monsieur que je vais respecter. Et tous ses enfants d'ailleurs m'appellent papa. Ils sont témoins de Zoba, mais ils me respectent, ils m'ont accepté tel que je suis. À ceux-là, oui, je peux leur donner autorité et pouvoir, parce que leur papa, Michel Marang, s'est occupé de moi. Hein? Je ne suis pas égoïste. Ça, c'est mon grand frère, du côté de ma mère. Michel Marang, moi, nous sommes Zung. Nous savons que Ding. Nous savons que Kumb. Mes mères, mes pères. Bref. Donc, l'étape maintenant au cimetière. Oh mon Dieu, il reste mal 3 minutes. Ce qu'il faut préparer votre corps, c'est que, vous voyez là, vous creusez, vous participez. Je sais que c'est pénible. On va te dire, non, toi, tu es l'enfant, tu ne peux pas venir. Ce n'est pas grave, vous observez seulement. Ça là, vous pouvez violer. Mais normalement, la première pelle, c'est vous qui va creuser la tombe de votre père ou de votre mère ou de votre parent ou de votre grand-mère. Parce que l'âme de votre parent, n'oubliez pas, vous regarde. Il vous observe. Maintenant, une fois ils ont tout fini, souvenez-vous, le pasteur, le prêtre, je ne sais pas trop qui, ou le Mukambi qui vient parler, la tradition, il prononce des paroles, n'est-ce pas? Vous devez écouter attentivement ce qu'il dit. Mais pendant qu'il parle, vous ne soyez pas distrait par ses paroles. Vous-même, vous devez parler. Vous parlez. Mort. Mouvement obligatoire du retour vers la terre, papa. Je sais que ton corps est retourné vers la terre, mais ton âme est en connexion directe avec nos ancêtres, les ancêtres qui sont de l'autre côté. Vous citez, toi, tu es le fils d'Agyanopolo. Agyanopolo, fils de Ogula. Ogula, fils d'Amburwe. Amburwe, fils de... Mwenyombe, fils de Aralikewa. Aralikewa, fils de... Et de la tribu Amomba, de la tribu Aralikewa, de la tribu Agenje. Vous citez tout ça. Pendant qu'on est en train de mettre le cercueil en terre. Là. Maintenant, faites tout le possible d'être parmi... Soyez le premier à jeter la première pierre sur le cercueil de votre parent commun en dessous. Parce qu'avant de balancer tout, souvent, il y a d'abord, selon la tradition, vous devez jeter la première pierre. Et vous le faites à la, au su et au vu de tout le monde ou bien discrètement. Et les vieux qui sont là seront que, oh, moi, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Oh, moi, ils vont savoir. Donc, c'est vous. Dès que le cercueil est en terre, là, faites tout le possible de jeter le premier caillou. Et vous devez écouter le bruit sur le cercueil. Et ce caillou, vous l'avez gardé entre vos mains. Vous parlez. Même ceux qui sont à Port-Gentil, prenez une petite poignée de sable, parce que là-bas, il n'y a pas les cailloux. Vous parlez sur ce sable, après vous jetez. Et vous prenez la pelle, vous jetez. Les autres peuvent continuer. Vous avez fait le symbole comment on prépare la mort. Ça, c'est de un. Et de deux, le cercueil, c'est fini, non? Tout est fermé. Vous dites aux gens au revoir. Vous devez être le dernier à quitter le cimetière. Vous devez être le dernier. Une fois, tout le monde est parti, vous restez le dernier. Et vous parlez à votre parent. Parlez à votre mère ou votre père. Vous dites ce qu'il y a lieu de dire. Que maintenant, là, quiconque viendra ici, là, en dehors de moi que tu connais, je sais que tu es libéré. Ça, c'est le lieu de repos. Mais quiconque osera venir faire des histoires de nécromancie, donc venir voler tes ossements, il faut le canguer, il faut l'attraper, il doit mourir d'un arrêt cardiaque. Et si possible, vous pouvez appeler des initiés, ils vont faire un petit cercle. Mais moi, je disais, regardez, je vous ai dit là, il y a près de 38 ou 39 pages. Hein. Moi, c'est préparé, tous ces documents-là, ce sera posé chez un huissier, hein. Mes enfants vont respecter l'enfant qui va être désigné d'avoir ça. Il va le lire devant les chefs de quartier, il va le lire devant les parents. Voilà, c'est notre père. Voilà l'acte de ma chère. Vous voyez même mon visage, je suis le visage de mon père. Je suis ça, je suis son premier fils. Donc par conséquent, personne n'a le droit d'opposer ce que je vais faire ici là. Donc vous avez fini d'enterrer mon père, dispersez-vous. Merci beaucoup, avec tout le respect que je vous dois. Même si on vous traite de sorcier, c'est pas grave. Surtout quand on sait que ça c'est la tête de M. Mouréon ou bien. Vous savez ce que les gens cherchent, non? Le pouvoir, ils pensent que le pouvoir se trouve dans ce corps physique. Les pauvres idiots, les ignares. Ils ne savent pas que l'esprit de M. Moreau nous vient. Et gardez pas plus de de 399 entités du Brésil, près de 1099 ou bien 1100, 1100 entités et esprits des Indiens, 47 entités et génies des forêts du Gabon, ils ne savent même pas là où ça rien. Et vous pensez que ces mecs-là vont vous laisser vous approcher de mon corps n'importe comment. Vous allez mourir avec les AVC bien plein là même, avant même de toucher, dès que vous allez me présenter devant mon cimetière, devant ma tombe, c'est fini, vous mourrez calboigné. Vous comprendrez pourquoi. Est-ce que j'ai répondu le comment? Donc le comment va jusqu'à la dernière jetée de pierre, jusqu'à la couverture et le rite final autour de la tombe de votre père ou de votre mère. Vous faites le rite, vous parlez. Une fois vous avez fini, rassurez-vous, il y aura toujours des tentatives, surtout à cause du nom. Les gens vont toujours chercher à venir rôder autour. Voilà pourquoi. Pour conclure sur cette thématique, qu'y a-t-il de dangereux dans les cimetières? Mais le danger est que, selon nos traditions, vous n'avez pas le droit d'aller enterrer le corps de votre parent dans les cimetières publics. Je vous ai dit, chez mes parents, de ma grand-mère, je ne vais pas citer le nom, elle était Sake, en même temps Benga Simba. Moi, je ne savais pas tout ça, je l'ai découvert après. Voilà pourquoi j'ai des parents pygmées, côté de, comment dirais-je, de ma grand-mère, qui était la mère à mon père. Elle a le sang pygmée. Et du côté de ma mère, Kakmesung, elle avait une descendance de pygmées. Donc, du coup, voyez-vous cette interrelation-là et connexion. Donc, il y a toute une relation totale dans les connaissances des grands mystères sur cette affaire de comment préparer la mort de quelqu'un. Et ce que je vous dis donc, c'est rarement enseigné aux jeunes, parce que je sais que la majorité des gens qui me suivent ici sont des jeunes. Mais n'ayez pas peur. Il faut avoir l'audace. Parlez avec votre père. Ce ne sont pas tous les pères qui sont comme moi. Cette chaîne a été créée justement pour vous partager ce genre de connaissances. Donc le cimetière, je disais, le danger, c'est quoi? Dans la tradition de mes grands-parents, donc du côté des Benga, du côté des Sake, pas on a dit, moi-même, j'ai vu. Je ne vais pas citer encore le nom de ma grand-mère, parce qu'elle aussi, elle était très puissante. Je parle de la petite sœur de ma grand-mère avec qui on communiquait, qui m'a donné son dernier baiser, lors de son dernier souffle, quand elle a rendu son âme et m'a baisé dans la bouche. Je ne vais pas citer leur nom. Mais sa petite sœur qui restait à me garder, dont le prénom est seulement Elisabeth, je ne vais pas donner son nom Sake, elle m'avait tout dit. Oui, oui, oui. Et son mari également, qui était un ancien militaire de l'AEF, il a fait la guerre. Il était à Bangui, avec mon grand-père du côté de mon père. En fait, c'est comme ça, là, il avait branché mon grand-père d'épouser sa sœur. Bref. Alors, je vous parle, leur tombe se trouve dans mon village, à Invouma. Je connais, quand je suis allé là en 2011 et en 2015, je suis allé poser ma tête, une gerbe de fleurs. Et la tombe de ma grand-mère, donc la petite sœur, parce que quand je parle de la grand-mère, c'est celle qui m'a gardé le plus. Je ne parle pas de ma grand-mère directe, mais la petite sœur, ma grand-mère qui épousait un Bakota. Et elle et son mari, leurs tombes sont ensemble. Et demandez-moi où? Juste à l'arrière de la cuisine. Et mon oncle, moi, Muntumu, lui qui était Sake Ndoumou. J'ai des cousins là, qui s'appellent, comment il s'appelle encore? Oh, la sœur Samedi, le petit frère Tolé. La tombe de leur papa, qui était un oncle, j'ai vu ça, c'est là. Juste à côté de la maison, hein, ils mangent le cimetière, la tombe est là. Le peuple Kota, Sake et les Benga, et surtout les Pygmées, ils respectent ça très bien, hein. Il n'y a pas question d'aller enterrer dans un cimetière public. Le danger, c'est quoi? C'est là-bas, on ira voler le corps de votre parent. Aller en faire des pratiques de nécromancie et autres. Parce qu'ils savent que celui qui est parti là avait des pouvoirs. Voilà le danger. Le danger, les gens viendront faire des incantations sur votre corps. Le danger, les gens viendront prendre vos ossements. Car c'est recherché par la plupart des grands sorciers. Donc faites très très très attention d'aller enterrer les corps. Moi, au niveau du Gabon, Andougou, là-bas, je n'irai pas. Je ne vais pas accepter. Pourtant, j'ai un grand terrain. Mon grand frère Michel Maganga a déjà payé un grand terrain. Andougou, dans notre village, Bonganville, il y a un grand terrain à nous là-bas. Et Vendrine Gessir, Mon grand-père Dimbuku, avant de quitter ce monde, il avait laissé un grand terrain avec plein de fruits là-bas. À Oumbwe, un grand terrain de peut-être 2000 mètres carrés ou quoi là. C'est là. Je peux bien aller implanter une maison et commentaire là-bas. Mais il y a trop de bandits qui vont pouvoir voler ce corps-là. Mais je connais, je ne vais pas en parler en plein live. Dans ce document-là, mes enfants savent là où ce qui va se passer. Soit on va me brûler, incinérer, ils vont garder les poudres de mon corps. Ou bien, ils sauront là où le corps va être enterré. Ça, je ne peux pas vous en parler. Mais quelle que soit la décision qui va être prise, cet endroit-là, ce sera dans une maison. Dans ma maison à moi. Dans ma maison, c'est là où le corps va être enterré. Pas les maisons américaines. Hein. Je parle de chez moi, où je suis né, dans mon nombril. Le prépuce de mon chose, de ma partie privée est enterré. Là-bas. C'est là où mon corps va être enterré. C'est pour, pourquoi? Mais c'est comme ça qu'on prépare sa mort. Mouvement obligatoire du retour vers la terre se fait. Ce mouvement obligatoire de retour vers la terre, ce retour ne peut être effectif que lorsque vous enterrez votre corps dans votre propre tribu, dans votre propre famille et dans votre propre propriété. Ça se passa toujours comme ça. Regardez certaines vieilles concessions à Libreville. Regardez certaines vieilles concessions à Lambaréné. Regardez lui-même Albert Schweitzer, il a été enterré où? Avant que ça ne devienne un cimetière public, en fait, en réalité, c'était dans son domicile, là où il avait décidé de choisir d'habiter. Le père Bichet, son corps a été enterré où? Sous l'église. Bon, là, c'est encore un autre chapitre, parce qu'à cause du temps, j'ai déjà dépassé les heures, pardonnez-moi, parce qu'il faut que je vous permette de poser les questions. Voilà, j'ai déjà dépassé 3 minutes du temps, pardonnez-moi. Donc, pour conclure sur cette thématique, pour vous dire, la préparation de la mort, elle est très importante. Pourquoi? Parce que elle va permettre votre partant d'aller dans de bonnes conditions. Ou dans de bonnes conditions veut dire que son âme va aller en paix. Loin de toute émotion et de toute ambiance négative et des crises inutiles. Car la mort peut frapper à tout âge et à tout moment. Pour les ignorants, ils se font attraper comme un rat, comme un animal. Mais pour les initiés, ils sont avertis et ils savent quand ils doivent quitter cette planète. Et puisqu'ils sont avisés, des consignes restent comme cette consigne ici que j'ai imprimée dans près de 44 pages. C'est là, c'est un grand livre. Et c'est très important, c'est comme ça qu'on prépare. Et ça, c'est dans mon coffret, hein, avec code. Personne n'a accès et c'est dans mon temple. Mon fils qui est en train de me suivre, et ma fille, mes filles, mes fils. Est-ce que j'ai des garçons et j'ai des filles? Et même mes neveux. Mon petit frère est parti. Je sais que vous, vous êtes embarqués dans les histoires d'Alléluia. Mais attention. Voilà la tradition, c'est celle-là. Votre Jésus, quand on l'avait enterré, savez-vous qu'on a fait des rituels? Je dis bien le Jésus des chrétiens selon leur histoire, que je ne partage pas forcément. On l'a enterré, on l'a embarqué avec des tissus blancs. Vous savez ce que ça veut dire? Les musulmans suivent ça. Ils ne le suivent pas bêtement, ils savent. Sauf que les musulmans, ils cassent les pieds des gens n'importe comment. Mais lui-là, on ne l'avait pas cassé les pieds. On l'avait interdit. Et même quand vous lisez les livres saints des musulmans, les livres saints des chrétiens, on nous dira qu'on l'enterra sans lui casser les pieds. Il y a une raison derrière cela. Parce que quand on vous casse les pieds, votre âme n'ira nulle part. Donc faites très, très attention. Que mes frères musulmans me pardonnent. Je suis musulman moi-même, je vais porter le nom d'Abdurazak sur un train dans le sophisme. Mais ça, c'est des connaissances métaphysiques assez dures à avaler et à comprendre. Vous n'êtes pas obligé de casser les pieds de quelqu'un et les bras. Vous allez le casser, il est déjà mort. Mort veut dire mouvement obligatoire du retour vers la terre. C'est tout. Ce qui importe, c'est l'âme. C'est l'esprit de l'individu. Donc, il faut préparer sa mort. Et quand on prépare sa mort, c'est-à-dire qu'on prépare l'âme de cette personne afin qu'elle retrouve son lieu. Et ensuite, le détail, peut-être que je ne vous ai pas dit, mais j'en parle dans l'autre vidéo, mais je vais revenir là-dessus. Lorsque vous quittez, lorsque vous mourrez, si vous voulez, votre âme, lorsque vous quittez le corps physique, en l'instant I, vous quittez, ça prend quelques heures, vous suivez le filigrane, le cordon ombilical divin maintenant vous attire. Mais ce cordon ombilical qui vous attire, mais c'est comme un trou noir. Ceux qui ont étudié les mathématiques, les phénomènes des trous noirs, c'est pareil. C'est un trou noir qui vous attire, qui vous attire, qui vous attire. Et vous entendez des chants. Vous entendez des belles mélodies. Si vous étiez un bouitiste, vous entendez le mungongo qui va jouer. Si vous étiez chrétien, c'est les accordéons, je ne sais pas quoi, la musique classique. Au bout du tunnel, imaginez-vous qui vous allez voir. Ce ne sera pas Jésus. Ce ne sera pas Dieu. On ne voit jamais Dieu. Ce ne sera pas ni Mahomet, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est les premières impressions quand vous allez quitter, puisque on a ce qu'on appelle le phénomène égrégorique. Vous avez greffé votre âme. Allez-y, monsieur, mon enseignement intitulé « Comment sortir et démissionner des sectes et des religions ?» Le danger qui se cache derrière le greffage dans ces religions-là. Parce que lorsque vous allez mourir, vous ne serez pas indépendant. Votre âme va errer ça et là. Donc votre âme au départ, bien sûr, va entendre les sons, des chants grégoriens, je ne sais pas trop qui, des chants du prêtre qui va dire ces histoires. Mais après 4 heures, vous êtes entraîné dans un tourbillon. Je dis bien 4 heures, pourquoi? Si et seulement si, hein, il n'y a pas des émotions. Voilà pourquoi je le répète, que quand quelqu'un meurt, il faut préparer sa mort. Et éviter de pleurer, madame, éviter de pleurer les enfants. Ils ont crié comme des fous. Vous pouvez vous faire couler les larmes. Ce n'est pas interdit, mais vous gardez le calme. Même le Jésus des chrétiens, n'est-ce pas, il a fait couler les larmes, non? Quand il a appris que son ami, là, Lazare, était mort. On nous dit qu'il rentra en émotion. Oui, oui, oui, il a pleuré. Ce n'est pas interdit, mais il n'a pas crié. Oh, yayo Lazare, oh, yayo. Toi qui étais toujours sur l'arbre, là, je me rappelle bien que ta petite sœur même me disait vraiment, ta petite sœur me disait que je suis beau. Je me rappelle des conversations qu'on a eues. Yayo Lazare, maintenant que tu es mort. Non, non, non, il n'a pas crié comme un fou. Parce que c'est la sœur de Lazare qui est allée dire, selon l'histoire chrétienne, quoi, qui est allée dire à Jésus que, oh, vraiment, on aurait souhaité que tu étais là. Parce que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Hein? Il lui dit, ouais, de quoi tu parles? Oh, il n'est pas mort. Oh, toi, tu racontes quoi? Il est mort il y a 4 jours, le corps sans maintenant, c'est pourri. Oh, yeah, yo. Le Jésus des chrétiens dit, non, moi, je m'avais le réveillé. Oh, non, là, là, il est sorcier, pardon, j'enlève mon corps. Ce que je vous raconte, c'est peut-être ma version. Mais elle a enlevé le corps et l'a fui. Mais quand il a crié, il a appelé combien de fois? Les chrétiens savent, non? 3 fois, hein, je crois. Viens ici, Lazare. Viens ici, là. Lazare. Lazare. Et Lazare est sorti là-bas, comme un zombie. Le corps chantait un peu. Et puis voilà. Mais pourquoi cela a été possible? Allez-y en Israël, malgré les bombardements qu'il y a. Quand ça va se calmer un peu, allez-y visiter. J'y ai été en 2007. Les tombeaux des Juifs, c'est toujours à côté de leur maison. Eux, ils ont même des gardiens qu'on paye. Ils mangent là-bas, ils dorment là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent l'importance, que le cémetière, c'est un lieu de sabotage et du banditisme où les gens peuvent venir voler les corps n'importe comment. Donc, pour conclure cet aspect, quand votre parent meurt, faites le possible d'avoir un grand terrain, enterrez-le dans son terrain. Pas les questions d'aller dans les cimetières. Ça va paraître fou, mais ça, c'est la tradition. Les pharaons, on les enterrait où? Allez-y voir, les pyramides que vous voyez là. Mais c'était dans la zone où ils habitaient, dans leur royauté. C'était désigné à propos. Ce n'était pas des machins où les mères se font de l'argent, il faut aller payer. Mais mon Dieu, le cas de mon pays, le Gabon, il paraît qu'il faut payer beaucoup d'argent, ça arrive même aux millions. Le type, il est parti, il a dépensé tous les millions pour l'amener où? Quel sacrilège! Moi, Marion, où je pars, même le gouvernement gabonais peut-être ne va pas m'en vouloir. Je dirais, si possible, apporter une suggestion au niveau du Parlement gabonais, dire, mais écoutez, les gens n'ont pas de moyens, mais les gens qui ont des grands terrains, mais le type est libre d'enterrer son corps dans son propre terrain. Le gouvernement gabonais ne va pas vous approcher. Le gouvernement congolais, ou je ne sais pas de quel pays, ne viendra pas vous condamner. Même en France, on ne viendra pas vous dire, oh, mais monsieur, vous êtes fou bête, qu'est-ce que vous avez entré? Non, non, non, non. Bon, aux États-Unis, c'est différent. Et même là, moi, je discute avec les Amish. Amish, ce sont des gens qui vivent ici, des traditionalistes. Ils sont très attachés, ils ont une vie à part. Ils ne vont pas dans les universités n'importe comment. Leur niveau, c'est niveau seulement seconde. Après, c'est fini. Ils mènent leur propre vie, ils vivent dans les abrousses là-bas. Et c'est comme ça, ils observent ça. Leurs parents sont enterrés dans la maison. Pourquoi? Je vous ai dit le danger. J'en ai terminé. Nous allons donc vous permettre, s'il vous plaît, je vous permets de poser des questions. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Mm-hmm. Et puis, nous avançons. Voilà ce que je peux vous dire. Avez-vous des questions sur ce propos? Et puis, nous allons avancer. Mais avant cela, nous allons écouter un peu de la musique. Car Pardonnez-moi, je cherche un peu les chansons là. S7 Edge connected. Non, pardonnez-moi. Je vais pouvoir répondre maintenant à vos questions. La première question qui m'a été posée, c'est sur le fa. Qu'est-ce que je pense du fa? Le fa est pratiqué au Nigeria, c'est fabriqué, pratiqué au Bénin. C'est un rite qui est beaucoup plus pratiqué par les Yoruba. et bien d'autres tribus de la place, qu'est-ce que vous voulez savoir? L'OFA est une grande société mystique spirituelle qui est pareille comme nos histoires de Bouiti, mais je ne peux pas vous en parler de... Vous devez sûrement avoir quelques brèves de connaissances là-dessus. Retenez bien que l'objectif de tout initié qui vient prendre le risque de venir parler de ce genre de choses dans le public, au public, autant pour moi, ce n'est pas de la littérature, hein, mais c'est juste des bribes d'informations qui peuvent vous servir en vue de pouvoir vous préparer à une véritable initiation. Car l'initiation est une expérience, l'initiation pratique forte est une expérience personnelle. Et ce que je fais ici, ça c'est simplement de l'introduction, c'est-à-dire que c'est l'initiation douce, si vous voulez. Je vous arme des connaissances, quoi. Donc l'OFA, de mon point de vue, oui, oui, si vous voulez rentrer là-dedans, c'est pas mauvais. Mais je n'encouragerais pas un Gabonais de rentrer dans l'OFA. Mieux. Maître, est-ce que c'est mieux d'être enterré ou incinéré? C'est quoi la différence? Ben, il y a une différence simple. Incinéré veut dire brûler. En Inde, par exemple, parce qu'ils n'ont pas assez de terrain, voilà pourquoi ils décident de brûler les corps. Vous savez que l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Et c'est une pratique qui n'est pas trop pratiquée au niveau de l'Afrique. Mais ici, aux États-Unis également, l'incinération est pratiquée. Ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a un chauffage qui est fait. On règle les machines là à une certaine température pour s'assurer que le corps doit être bien brûlé. Parce qu'incinérer veut dire brûler votre corps. Dans certaines tribus africaines, oui, on prend le corps, on le met sur le bois. Et les juifs, certains juifs des temps anciens le faisaient. Et souvenez-vous la scène horrible, lugubre, de M. Abraham qui était prêt à sacrifier son fils Isaac. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il a fait un étalage, c'est-à-dire comme un fumoir. Il a mis sur ce fumoir-là et en dessous, il y avait des bois de feu qui étaient prêts à être allumés. Parce que la tradition juive, qui est la même que la tradition indienne et même africaine, et nous, ça existe chez nous, on appelle ça le fumoir. Mais le fumoir, c'est beaucoup plus utilisé pour fumer. Mais là-bas, c'est un fumoir ou encore un brûloir. Voilà, un brûloir. Donc, ça sert à brûler complètement. Donc, Abraham, selon les instructions qu'il lui fit donner, c'est qu'après avoir tranché le cou de l'enfant, il devait mettre le feu en bas et puis brûler. La différence, c'est que quand vous enterrez, vous aurez besoin de cercueils, vous allez dépenser de l'argent pour acheter des cercueils, vous allez avoir l'argent, machin. Bon, j'ai même vu ici aux États-Unis qu'à un moment donné même, de fois, ils exigent que le corps soit mis dans un cercueil, mais dans, ça dépend. Dans certaines régions, par exemple ici, j'ai constaté que non, le corps est travaillé, on l'amène directement sous un grand sac et on le conduit directement dans la machine. J'ai été personnellement visiter ces machines-là. Donc, on met le corps et puis il est brûlé à une certaine température, ça ne prend pas du temps. Et puis, on vous amène les cendres, si vous voulez garder les cendres. Voilà. C'est ça la différence. Maintenant, vous voulez savoir quoi? Vous allez choisir. Ce n'est pas moi qui dois vous donner. Ce n'est pas moi qui dois vous dire qu'est-ce qui est mieux pour vous. Moi, je ne peux pas vous dire. Hein? Ça, c'est un choix personnel. Mais souvent, l'incinération, ça vous met à l'abri, justement, des pratiques occultes. Vous comprenez? Pardonnez-moi, je vais arrêter la musique. L'incinération va vous mettre à l'abri des pratiques occultes, des histoires de... on appelle ça comment là? La nécromancie et autres. Ou des voleurs, des machins. Oh, voilà, Morion, oublie là, comme il est trop intelligent, je vais prendre sa tête. Oh, mais non, moi, j'irai prendre ses poumons avant que le corps ne se détériore. Oh, moi, je vais prendre ses mains. Oh, je vais voir si on lui a enterré avec ses bagues magiques, là. Comme ça, je vais prendre ça. Rassurez-vous. Vous n'aurez pas ces bagues parce qu'elles vont, disparaître. Comme certaines qui ont déjà disparu, là. Elles disparaissent. Quand leur temps est atteint, et puis quand j'ai atteint certains niveaux où je n'ai plus besoin, ça disparaît. Ou bien, il y a certaines que je laisserai à mon fils. C'est tout. Donc, rassurez-vous. Donc, c'est ça l'avantage. Hein, quand on vous incinère, c'est que vraiment, vous les parents, vous allez avoir la paix de l'esprit. Car là, j'ai la cendre de mon papa. Papa, ça, c'est ta cendre. En mémoire de mon père, la cendre est là. Les Chinois, ils le font également. C'est beaucoup pratiqué en Chine. Parce que, je vous dis, c'est un phénomène lié avec la démographie. Aujourd'hui, pour des raisons économiques. Hein, mais dans l'ancien temps, ça n'avait rien à voir avec la démographie ou quoi que ce soit. La raison, c'est ça. Ça n'a pas une différence entre avoir les cendres de votre défunt partant, parce que c'est une forme de nécromancie aussi. Vous voyez, vous avez vu les Chinois, ce qu'ils font? Moi, j'étais en Chine, j'ai vu. Ces cendres-là, ils les gardent dans un jar, une corbeille ou quoi là. dans un bol et la photo est là et il prie. Ça, c'est le culte des ancêtres chez les Chinois. Pour les gens-là qui disent non, les Chinois ont été décrétés. Quand les chrétiens ? La Chine, c'est 0,03% des églises. Et elles sont seulement dans les grandes villes. Mais dans le pays profond de la Chine, vous amenez votre Jésus, on vous tranche la tête. Et ils sont attachés à leur tradition. Et c'est ce qui a fait de la Chine aujourd'hui une nation très puissante. En parlant de l'incinération, bien sûr. Donc, eux, ils pratiquent ça beaucoup. La Chine, l'Inde, et puis quelques pays d'Afrique, on le fait. Donc, mais c'est à vous de faire le choix. Je ne peux pas vous imposer. Les gens qui travaillent dans les morgues, oui, c'est vrai. Doit-on laver le corps avec de l'eau salée? Moi, je ne sais pas qui vous a dit ça. Les gens qui travaillent dans les morgues, ils utilisent certains produits. Mais moi, ce que je sache, dans ma tradition africaine, je n'ai pas besoin de l'eau salée. Pourquoi mettre l'eau salée? Pour chercher quoi? Oui, c'est parce que le goût, je voulais dire, si vous goûtez l'eau, j'en ai eu l'opportunité d'y goûter, hein, par curiosité. C'est salé. Mais vous allez encore acheter le sel pour chercher quoi? Parce que ces eaux-là, ça dégage, comment dirais-je, tout ce qui est dans le corps du mort. Il y a sa sueur, il y a les parties du corps, tout ce qui était dans le corps de ce mec-là sort. Et ce sont ces eaux-là. Et normalement, quand vous les goûtez, c'est salé de nature, c'est déjà salé. Vous n'avez pas besoin. Si vous me posez cette question, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que c'est de l'eau salée. Non, moi, on ne met pas du sel. Puisque j'ai le privilège de fréquenter ces mecs-là dans les morgues. Moi, j'ai goûté. J'ai goûté quelques machins. Mais pas n'importe quel corps que j'ai goûté. C'était le corps de mon propre parent. C'est salé. Mais cette salinité n'a rien à voir avec du sel qu'on a mis. Hein. Rassurez-vous. On n'a pas besoin d'utiliser du sel pour laver ce corps-là. Moi, je ne sais pas. Si d'autres traditions le font, ça, c'est leur business. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Moubali pour apprendre le bouti. Je peux parler du bouti ici, là. Bon, le rendez-vous avec Moubali, vous savez, c'est le décès de mon frère. Il était prévu que c'était samedi dernier. Et moi, mon calendrier, même pour m'avoir, le pauvre, c'était toute une gymnastique. Mais comme j'ai son contact, nous allons prendre une date, nous allons nous entendre. Je vais pouvoir vous dire la date. Une fois vous avez récupéré les vêtements du défunt, vous le mettez comme j'ai dit. Et les os, qu'est-ce qu'il faut dire aux morts quand on est tout seul avec lui? Ça, je ne peux pas le dire en public. Vous parlez, je dis vous parlez. Je ne peux pas quand même tout vous dire là, s'il vous plaît. Sinon, tout le monde va aller faire des choses et vous allez mal faire. Après, vous allez venir m'attaquer. Parce que c'est des choses qui ne se disent pas. Vous parlez ce que vous avez dans votre cœur. Vous devez dire, vous parlez. Là, vous demandez trop de choses. Hein. Ça, c'est du domaine maintenant des initiés, ça. Vous parlez. Il faut voir les vrais initiés du village, ils vont vous dire. Bien, vous avez parlé de l'existence des villes dans le cimetière. Quel rapport a-t-il? Ah, d'accord, ça c'est une bonne question précise. Effectivement, il y a un rapport. Mais c'est parce que vous avez manqué l'enseignement. Est-ce que vous avez suivi l'enseignement là où je vous parle comment récupérer le chapeau noir? Le chapeau noir auprès des chefs des morts. Le mot mort, là, en fait, c'est le code, hein? C'est le mot de passe, non? Si vous en souvenez, si vous avez suivi cet enseignement. Le mouvement obligatoire du retour vers la terre, c'est le mot que vous devez dire, mais il y a le rite. J'explique ça dans l'autre vidéo. Ce n'est pas l'objet de cet enseignement. Donc, le rapport est lequel? C'est que, oui, il y a des villes. Une fois, vous faites le rite d'entrée, quand vous allez frapper à la porte de ce métier, ce n'est pas une porte littéralement. Allez-y, me suivre la vidéo, elle est là et pourtant. Le titre, c'est « Comment aller récupérer votre chapeau noir au cimetière ?» C'est un rite qui existe. Je vous dis, il y a des gens qui ont demandé et puis ils ont récupéré. Depuis cet enseignement, il y a eu près de 4 personnes qui ont pu avoir leur chapeau noir. Et puis, ils ont pu avoir ce qu'ils veulent. Mais il y a des dangers avec ce chapeau noir-là. Ça ne se prend pas n'importe comment. Parce que c'est un chapeau qui vous est donné par le chef des morts. Effectivement, donc, vous posez la question sur la ville. Mais la ville, justement... Lorsque vous allez faire le rite devant l'entrée du portail et que vous allez brûler, vous allez parler, vous faites l'invocation et vous donnez le code. Le mot de passe, c'est celui-là. Mort, mouvement obligatoire de retour vers la terre. Et vous allez utiliser ce code-là que vous allez écrire sur le mur de l'entrée du cimetière. Et après avoir prononcé cela, vous allez disparaître. J'explique très bien l'enseignement. Hein. Vous allez disparaître littéralement. Et quand vous allez disparaître dans le monde physique, vous pensez que vous êtes dans le... Vous allez vous retrouver littéralement dans le cimetière. Mais quand vous êtes dans le cimetière, brutalement, c'est comme sous hypnose ou sous hallucination. Vous aurez l'impression que c'est de l'hypnose ou de l'hallucination. Mais vous verrez la ville. Dans le cimetière, vous êtes là. Vous allez maintenant voir les gens qui seront dans les activités. Vous verrez les immeubles. Bon, si c'est le cas, par exemple, d'un village, si vous avez été entré dans un cimetière qui est au village de Njenkville, à Lambaréné, ben, vous allez voir l'ambiance qu'il y a. C'est les mêmes gens que vous allez voir. Mais les gens qui étaient déjà morts, vous les verrez. Bonjour, bonjour, c'est l'ambiance, les cabris et tout et tout. C'est dans ce sens. Mais souvenez-vous du rite. Maintenant, quand vous allez marcher, là, j'explique ça dans l'enseignement. Allez-y, suivez la vidéo, je peux le revenir dessus. Vous allez demander où se trouve le chef. Mais le chef, lui, il habite au fin fond du village là-bas, du quartier ou de la ville, qui est en fait dans la forêt là-bas. Et c'est lui. Il va vous expliquer ce qu'il faut faire pour récupérer le chapeau. Donc, la ville en question, oui, c'est une ville vraie, parallèle. Ça va paraître fou ce que je vous dis. S'il y a des initiés du Bouiti ici-là, ils vont vous confirmer ce que je dis, si c'est vrai ou faux. C'est-à-dire que dans le Bouiti également, nous avons des techniques où on vous découpe le bébé. Ça, vous devez le savoir. La grande protection, le super blindage. Le bébé qui vient à peine de naître, on le découpe en morceaux, la tête, les pieds, tout et tout, tout. Mais ça, c'est des rites, je le répète. Voilà pourquoi ne doit suivre ce genre d'enseignement que quiconque est au-delà, plus âgé de 18 ans. Parce que ces enseignements peuvent paraître choquants, mais ce sont les rites de chez nous. Donc, on fait le découpage du corps, on le prépare avec la banane, et même le bananier en question est planté là. On le plante là à partir de 21h à 22h, vers 1h, 2h, 3h du matin. Le régime est déjà là, on le prépare avec le bébé, tout, tout, tout, tout. Les os ne sont pas jetés. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette technologie mystiquement avancée du domaine du Bouiti, car cela rentre dans le cadre karma du Mbanja. Et tout ce qui est à l'intérieur du Mbanja, je suis interdit d'en parler. Je m'arrête juste ici. Donc, c'est un phénomène parallèle, disons pareil que celui-là. On vous mettra en live avec Paris. J'ai assisté à Sindara, je vous le dis, au cours d'une cérémonie de Bouiti. Bon, là, le spectacle était ouvert. Ceux qui étaient hors du Mbanja, on pouvait voir à distance Paris, tout, tout, tout, live, la lumière, la grande ville. C'est le même phénomène. Quand vous allez rentrer dans le cimetière, vous allez vous retrouver dans la grande ville. Si ce cimetière se trouve à Libreville, ben vous verrez une ville similaire à Libreville. Vous êtes à l'intérieur, pourtant vous êtes en plein dans le cimetière. Mais la différence, c'est que vous allez voir, il y a les voitures, il y a des rues, et les gens qui vous ont quitté il y a longtemps, peut-être vos cousines, mais seulement, ils ne peuvent pas vous parler. C'est ça le malheur. Vous allez les voir. Vous allez même faire des signes. Mais non, ils ne vont pas vous répondre. Parce que votre rôle, ce n'était pas d'aller les voir. Votre rôle, c'est d'aller chercher votre chapeau noir. Il n'y a pas que le phénomène du chapeau noir. Il y a d'autres pratiques de sorcellerie où on va dans le cimetière en vue d'aller récupérer d'autres choses. Souvenez-vous également, vous pouvez aller récupérer l'esprit de votre ancêtre, de votre parent, pour qu'il soit à votre disposition. Vous pouvez aller le chercher là-bas. Et là encore, il faut toujours l'autorisation du chef du cimetière. Et il ne s'agit pas du major... comment on appelle ce mec-là? En anglais, on l'appelle Undertaker, c'est-à-dire le gardien de cimetière physique. Non, non, non, non, non. Il s'agit du gardien de cimetière mystique qui se trouve là-bas dans le monde des morts. Et c'est pour cela qu'on dit la mort n'existe pas, non? Quand vous quittez ce monde des humains, vous vous retrouvez dans un monde parallèle. Hein? À tout état de conscience égale à tout état de vie, non? Pourquoi vous pensez qu'ici, là, on a une vie et puis les autres là-bas n'ont pas une vie? Donc, Priscille, c'est ça la réponse que je te donne là. Oui, oui. Une fois tu vas faire le rite, hein, quand tu seras prête, mais moi, je crains que tu aies des problèmes avec ton mari. Oh, parce qu'après, le mari va dire, oh, yo, ma femme, là, monsieur Moret, allez lui demander d'aller se mettre. Bien, maître, quelle est la signification du bonnet rouge que vous portez? Je ne peux pas donner. Ça, c'est du domaine des initiés. C'est un chapeau qui m'a été donné par un grand maître Yoruba, un des rites Yoruba. Je ne peux pas vous expliquer. C'est même un chapeau de la prêtrise des pouvoirs. Je ne peux pas vous dire lequel. C'est la, ça, tout dedans, il y a la protection, il y a tous les pouvoirs. Et puis, ça m'identifie par rapport à certains frères qui me suivent. Vous êtes très curieux. Hein? Bien. Quand une personne décédée décide de disparaître volontairement, est-ce que c'est-à-dire que la personne va au cimetière? Non, non, non, pas du tout. La disparition mystérieuse, moi je connais, j'ai une tante qui a disparu mystérieusement avec son mari, mais on n'a pas retrouvé leur corps. Mais je sais là où ils sont partis. Je peux décider de disparaître sans pourtant nécessairement commentaire. Oui, ça existe. Ce n'est pas de l'illusion. Il y a des grands initiés qui maîtrisent ce phénomène. Donc, quand quelqu'un disparaît, ce n'est pas forcément d'aller au cimetière pour faire quoi là-bas. Non, au contraire, les gens ont peur d'aller au cimetière. C'est ce que j'essaie de vous dire dans l'enseignement d'aujourd'hui, que justement, il faut éviter d'aller enterrer les gens dans les cimetières, parce que les gens vont pouvoir aller manipuler les corps des pauvres gens qui sont dans les cimetières en vue d'exploiter les pouvoirs pour rester, je ne sais pas moi, des pouvoirs pour rester au gouvernement, ou bien des pouvoirs pour faire avancer le commerce, des pouvoirs pour dominer les femmes. Moi, je connais... Il y a un rituel magique de cérémonie indienne que je maîtrise très bien, qu'on exige, par exemple, les gens qui veulent devenir riches, là. On leur demande d'aller prendre la terre de cimetière à une certaine heure. Il y a également la terre de cimetière que vous pouvez prendre si vous voulez vous désenvoûter, protéger vos maisons. Il y a les éléments de cimetière qu'on vous demande. Si vous voulez que votre commerce prospère très bien, que le business marche beaucoup, on va vous demander d'aller prendre les terres de cimetière. Donc, le cimetière joue beaucoup de rôle. Vous comprenez? Ça joue beaucoup de rôle. Bon, maintenant, je vais continuer. Quel rite faut-il faire pour entrer en contact avec le monde du cimetière? Même vous voyez comment. Moi, Neka Songo. Moi, je vais donner le rite ici, là. Je ne peux pas vous donner ce rite-là en plein live. Il faut vous rapprocher d'un véritable initié. Voilà pourquoi on vous parle des séminaires. Au cours des séminaires, je montre. Oui, il y a le rite. Souvenez-vous que les objectifs, une fois de plus ici, ce n'est pas... Je dois respecter les consignes des gens qui m'ont initié dans tous ces grands rites-là. Chaque fois, ils se sont fâchés. Même quand j'avais donné le rite de l'urine, là, le rite du vin rouge, qui a rendu des gens très puissants aujourd'hui, qui ont eu des promotions jusqu'à devenir ministres dans certains pays d'Afrique, ils m'ont dit plus jamais, il ne faut plus faire ça. Et pourtant, bon, moi, je l'ai fait avec un bon cœur. C'est vrai que je suis à un niveau où, pour moi, des histoires que je vous donne là ne sont plus à mon niveau. Moi, je suis à un niveau où ce que je pense, je l'ai. Ce que je veux, je l'obtiens. Je n'ai pas besoin de faire des rituels. Et quand je dis ça aux gens, ils pensent que je suis fou. Même le rite des ancêtres, je vous le dis que je ne fais pas des rituels. Il faut allumer le feu, il faut manger ceci, il faut le bichier mou, ceci, cela. Non. En pensée, seulement, je la convoque tout de suite, ou je les convoque, ils sont là. Alors, je vous parle, ils sont ici avec moi. Ils se soumettent à mes caprices, je le répète tous les jours. Je les engueule. Ah oui, je suis très capricieux avec eux. Et ils se soumettent. Ils donnent. Bref, le rite, je ne peux pas. Je ne peux pas vous le donner en public comme ça, s'il vous plaît. Ça va faire un mauvais usage, s'il vous plaît. Le rituel pour bien mourir, moi, dans Kosongo, commandez le livre intitulé... La lumière sur le royaume, écrit par M. Moriasson. Allez-y dans son site intitulé, le nom du site c'est www.moriasson.com. Dedans, il y a le rite authentique qui est même appliqué par les Blancs. Comment préparer votre mort? Au moins, ça ne va pas vous faire peur. Vous pouvez le faire chez vous. Mais attention, quand vous commandez ce livre-là, hein, il faut suivre les instructions. Surtout ce livre-là, j'avais bien dit qu'il faut le lire pendant 28 jours. Après 28 jours de lecture, n'osez pas pratiquer quoi que ce soit. Après les 28 jours, maintenant, vous pouvez commencer à faire les premiers rites. Il y en a seulement 3. N'osez pas pratiquer les rites de magie du feu, qui se pratiquent seulement après 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas si les gens respectent ça. Après, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de résultat dans ce que vous voulez. Donc, monsieur Kasongo, Mwana Kasongo, ça, c'est le rite. Maintenant, le rite traditionnel, je vous ai dit, ça ne peut pas. Je ne peux pas vous le montrer en public. Ce n'est pas bon. J'aurais trahi le serment de mes grands cercles initiatiques. Ça se fait face à face. Parce que ça fait partie du domaine de l'initiation forte. C'est comme si vous me demanderez comment initier quelqu'un dans le boueté, donner le bois sacré. Maintenant, je vais venir vous montrer ça en plein live. Non. Il faut aller sur la natte. Il faut vous asseoir sur la natte. Une fois que vous êtes assis sur la natte, soit à l'intérieur du temple, parce que c'est des choses que je vais bien expliquer là-bas sur Mukasi. Là. C'est-à-dire que le temple, il y en a 3 principaux endroits. Là, nous sommes à l'entrée du portique, c'est-à-dire à l'entrée du Mbanja. Nous sommes seulement à la sortie. Et il y en a 3. Il y a la première partie où les nouveaux initiés, les abandis et les spectateurs sont dehors. Ils s'assistent. Si vous voulez que je vous parle comme en termes de boueté. C'est pareil comme en Égypte, ça s'est passé comme ça. Donc, il y avait la première partie. Le grand temple principal, pour avoir accès au temple principal, il y avait trois portes. La première porte vous donnait accès à la grande cour. Mais cette grande cour, c'est là où se trouvent et les bandits, donc les nouveaux initiés, les néophytes, et les non-initiés qui sont curieux pour vouloir recevoir cette initiation. Maintenant, les néophytes qui viennent à peine de recevoir leur bois sacré, ils sont là. Or, d'abord, je ne sais pas si on se comprend. Ensuite, après avoir dépassé donc, la grande cour, il y a une autre cour, vous allez avoir accès à un endroit qu'on appelle portique. Portique, c'est là où les prêtres sont en train de méditer, ils sont en train de donner des informations aux nouveaux venus, les préparer pour pouvoir rentrer. Oh là là, ça c'est à l'entrée du Mbanja maintenant là. Là où vous verrez le grand maître, il est le mec il est là debout sur une natte, sur un grand tissu pour pouvoir recevoir les nouveaux qui doivent rentrer dans le Mbanja là-bas, dans le lieu des saints des saints. Vous voyez, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Donc ça, c'est la deuxième. On appelle ça le portique. Maintenant, le troisième, c'est réservé uniquement. Donc les questions que vous me posez là, ça concerne à la fois le côté portique et l'entrée principale. Parce que le comment, c'est à l'entrée principale. Ça demande de l'actionnariat. Ça demande de l'action. Ça demande de la consommation. Ça demande le flat luxe. C'est-à-dire là où je dois vous taper sur le troisième œil, où je dois vous donner le baiser sur le nez, ou bien sur le front, ou sur vos lèvres, ou bien là où je dois vous toucher un endroit précis pour vous faire passer le pouvoir. Ce n'est pas en plein live que je peux faire ça. Je vous en prie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Alors, l'autre question, c'est quoi? On continue. Quel est le nom de l'entité en charge de ce métier? Waouh! Mais quand vous posez toutes ces questions, vous êtes sûr que vous voulez aller pratiquer ça? Le nom de l'entité en charge de ce métier, mais je vous ai dit, c'est le chef. Il vit entre la ville que vous allez visiter. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Comment rentrer en possession de son chapeau noir ?» C'est ici, là, sur cette chaîne. OK? Vous aurez toutes les réponses à vos questions, là. Vous aurez le nom. Je donne le nom. Mais ce n'est pas un nom quelconque que je donne. On parle du chef de ce métier. Et le chef de ce métier, effectivement, c'est quelqu'un de très puissant. De son vivant, il était puissant. Maintenant, là-bas, dans le monde parallèle également, il a eu l'accord de tous ceux qui sont dans ce monde-là que c'est lui qui doit être le chef. Et c'est lui qui garde, c'est lui le grand chef de ce métier. Dans le monde des esprits. Je ne peux pas donner son nom en plein live. Ça varie d'un pays à un autre. Ici, aux États-Unis, si vous partez dans ce cimetière-là, allez chercher le chef de ce cimetière dans le monde invisible. Ça peut être un vieux blanc ou un vieux amérindien, un indien qui a près de 3000 ans. Il va se révéler en vous. Il va se révéler en vous. Parce qu'on vous donne le code secret d'accès. Ce n'est pas vous qui... On va vous, quand vous allez faire le mot de passe avec mort, parce que je vous ai dit, c'est le mot mort, c'est le mot de passe. Vous devez décortiquer, mais puisque je l'ai déjà dit. La décortication de ce nom mort, c'est le mouvement obligatoire du retour vers la terre. Mais quand vous le dites, l'entité qui est là écoute et on vous ouvre. On appelle ça l'accès, comment on peut appeler ça? C'est une entrée portique. C'est un portail qui vous amène dans une autre dimension. Voilà. Vous êtes entraîné par un trou noir que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes absorbé dans le trou noir. Et une fois que vous êtes absorbé, ça dure seulement quelques secondes. Hein, mais vous aurez l'impression que ça dure longtemps. Et dans les quelques secondes, vous vous retrouvez dans un autre monde. Vous regardez, où suis-je? Ah! Oh mon Dieu, je suis où là? Et puis vous allez marcher, vous verrez. Les voitures, vieux. Alors que là, vous êtes parti au cimetière, vous avez bien marché dans la brousse. Il y a la brousse, il n'y avait rien, il n'y avait pas de voiture. Ça veut dire que votre code a marché. Donc voilà pourquoi je ne fais que répéter que vos questions là, ça là, c'est du domaine de l'intérieur du temple. Il faudrait que vous soyez face à l'initiateur. Et je le répète, soit au cours des séminaires, ce qui est souvent rare, ou bien vous devez vous rendre auprès des personnes qui vont vous faire ça. Oui, oui. Il faut qu'on se retrouve. Vous me voyez face à face et on va. Et quand on parle, il y a la possibilité, souvenez-vous, il y a des gens qui ont posé la question, oui, il y a la possibilité d'aller ensemble au cimetière. Si vous êtes courageux, parce que les questions que vous me posez là, est-ce que vous serez capable de confronter les hautes vibrations, les hautes fréquences vibratoires d'un taux très élevé? Parce que vous rentrez dans le royaume des morts. Et dans ce royaume de mort, vous êtes à la fois à la sphère numéro 2 et à la sphère numéro 3. Donc vous êtes au royaume de mort, mais en même temps, parce que le chef des morts de ce cimetière, lui, il est à la troisième sphère. Or, cette troisième sphère est en connexion avec des entités très fortes. Si votre taux vibratoire, si vous n'êtes pas un initié qui a bien subi la grande purification dont votre âme est bien purifiée, vous êtes quelqu'un de haute moralité, qui a une aura très forte, un esprit très fort, mais vous allez mourir, vous n'allez plus revenir. Ce que je vous dis, ce n'est pas le mensonge, je sais, on a des témoignages. On a trouvé seulement le type, le sac à l'entrée du cimetière, les habits sont là, les chaussures sont là. Oh, mais le type là, il est où? On le cherche, il a disparu. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire ces expériences-là à travers les vidéos. Et ça, je donne des consignes à quiconque m'invitera à aller faire des interventions dans leur chaîne. Ce n'est pas de me demander des histoires pratiques. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne peux pas. Je ne voudrais pas et je ne le ferai point. La pratique se fait justement lorsque vous allez vous retrouver face à face. L'objectif de mes enseignements, c'est de vous encourager justement à pouvoir d'abord avoir l'information. Ensuite, quand vous êtes intéressé, vous me contactez en privé. Mais si vous me demandez le comment, même au téléphone, vous dites, oh, comment on va faire? Mais est-ce que vous allez penser que ça se passe comme ça? J'ai dit à certaines personnes, ils pensaient que je blaguais. Je me redouble, je sors à remplir et je me retrouve dans votre maison. Mais j'ai dit, il faut payer au moins 1500 euros pour ça. Vous me verrez face à face. Mais quand je vais me retrouver face à face avec vous, j'ai été dessus certaines personnes, ils m'invitent, c'était une femme, elle était malheureusement le copain, disons, le copain m'a forcé. Je vous ai bien dit de ne pas avoir un homme, ne pas être en activité sexuelle pour que quand j'apparaisse, au moins, vous serez là et je vous passe la chose parce que je viens avec des entités. Et la personne a raté, elle a dépensé son argent dans l'eau. J'ai dit, ce n'est pas de ma faute. Elle s'est mise à pleurer. Oh, yeah, yeah. Non. On ne blague pas avec la magie. Je vous ai dit, la magie ou la sorcellerie, ce n'est pas du domaine des histoires où on vient parler comme ça. Là. Ce n'est pas la tchatch, c'est la pratique. Donc, je suis venu juste pour donner des informations. Bien. On est où là? Est-ce qu'une femme peut creuser la tombe de son père ou de sa mère? C'est une bonne question, Arlette. De mon vivant, en tant qu'initié, je n'ai jamais vu une femme le faire. Mais si les circonstances lui permettent de le faire et qu'elle est toute seule, il n'y a pas un homme, ben, il n'a pas de choix. Mais dans une société organisée, ce n'est pas la femme qui va aller creuser la tombe. Ça a commencé comment? Sauf si vous êtes devenu maintenant Isis. Donc, j'ai dit, c'est circonstanciel que cela peut arriver, Arlette, à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire de positif avec les derniers habits d'un parent proche? Je ne peux pas vous le dire au public. Je vous ai dit, vous enfermez. Voilà pourquoi je dis, moi je vais finir là dans 5 minutes. Je vous ai dit d'être là au début. J'ai bien expliqué que ces habits, vous les mettez dans une valise et vous fermez. Maintenant, chaque fois que vous aurez besoin de faire quelque chose, quand vous aurez l'esprit tranquille, c'est en touchant cet habit que vous allez émettre vos vœux, que vous allez parler. Quand vous allez faire le rite des ancêtres, vous touchez ça. Parce que le rite des ancêtres, c'est quoi? Il faut une représentation matérielle. Il faut soit les habits, il faut soit la photo de la personne. Ou la photo ou l'habit. Et ensuite, vous invoquez. Ça a beaucoup plus d'effet. Pas invoquer. On n'invoque pas. On n'adore pas les morts. Hein. Cela doit être clair. Mais on les honore. Honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. Mais cet honneur, manière d'honorer, c'est un rappel que je suis là. Voilà, j'ai besoin de ceci ou cela. Et ils vont se manifester parce que vous les honorez, ils ne sont pas morts. Naturellement, vous n'avez pas besoin de demander. Donc, le fait de toucher leur habit vous met déjà en connexion. Mais maintenant, le rite, tout le tralala, ce n'est pas en plein live qu'on peut vous le dire, s'il vous plaît. Bien, je crois que j'en ai terminé. Oui, la réponse est oui. Est-ce que ceux qui vivent dans le monde parallèle là-bas, au niveau des cimetières, viennent dans notre monde? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens, parfois, quelqu'un qui va venir vous visiter, il est barbu, tout sale, il vient commander devant votre porte, vous ne l'avez jamais vu dans le quartier. Pardon, monsieur, donnez-moi le bout de pain. Et vous, là, vous êtes orgueilleux. Ah, fous-moi le camp! Moïse, Abraham, quand il avait eu la visite de trois mecs là qui étaient venus lui visiter pour lui que toi tu vas avoir les enfants et tout ça là. On nous a dit quoi? Certains écrits disent que ce sont les anges, mais ils ne se sont pas présentés en forme d'ange. Un ange d'abord c'est quoi? C'est pas un être qui a des ailes comme on le dessine. C'est un être invisible qui apparaît sous une forme humaine. Sous une forme humaine autant pour moi. Donc oui, ceux qui sont dans le monde de parallèle, que ce soit ce que vous appelez les anges, que ce soit les gens qui sont décédés, ils réapparaissent. Moi, j'ai vu, plusieurs fois, j'ai vu mon père apparaître devant moi, en fonction de mes besoins intenses. J'ai voulu une rencontre. Oui, la réponse est oui, c'est possible. Ils peuvent apparaître dans le monde matériel. Mais c'est seulement vous qui allez le voir. Ça, c'est la nuance. Le risque d'aller rester où? Voilà une question très importante que Jocelyn pose. Pourquoi les morts des tombes abandonnées, souvent, ils font l'objet de magie? Mais c'est parce que, une fois de plus, quand on est dans la tombe, je vous ai dit, la tombe, c'est un monde réel, c'est un monde parallèle qui vous met en connexion avec la sphère numéro 2 et 3, c'est-à-dire dans le monde des possibilités. Et ces mondes des possibilités sont au-delà de 50 km de la planète Terre, parce que le royaume des morts est entre 0 et 50 km. De 0 jusqu'à 4, 5 km, c'est les âmes errantes. Les âmes errantes, c'est-à-dire que les âmes des mecs que vous criez, vous pleurez, oh, il ne faut pas partir, oh, et vous bloquez son âme, il devient fantôme, vous dites, tiens, on appelle ça. Mais vous voulez qu'il devienne quoi? Donc il est là, il vous sent entrer les gens n'importe comment. Mais, et puis, pour répondre à votre question, mais oui, mais ça devient un business. Parce que c'est là-bas qu'on retrouve des âmes, parfois, qui n'ont pas été préparées. D'où le but de mon enseignement ce soir, comment préparer votre mort. Vous comprenez maintenant la relation? Si vous ne préparez pas votre mort, mais vous allez vous retrouver comme une âme errante. Vous allez vous retrouver comme ces âmes qui vont être victimes de la chasse et de la pêche mystique ou du couattage, comme je le disais tantôt au début. Voilà les raisons fondamentales. Nous allons clôturer donc notre live. Que Teta Mwanga nous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vraiment, c'était intéressant. Hein? On avait beaucoup de questions. Bon, il y a des gens qui m'ont posé des questions ici, là. Je vais pouvoir tenter de les répondre directement. Parce que les gens se plaignent que non, maître, on vous envoie, on vous écrit, vous ne nous répondez pas. Bien, je vois ici, première question. Ouh là là, et je n'aime pas les questions trop longues. Bon, oui, je ne peux. Pour venir au Canada, ça c'est quelqu'un qui m'écrit depuis le Canada. Oui, je peux venir au Canada si vous vous organisez en groupe d'au moins 20 personnes. Je répète, retrouvez-vous au minimum 20, voire 50 personnes. Et puis, on va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Je vais vous mettre en contact avec notre administratrice générale. Et on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Je peux me déplacer. Le Canada, moi, de là où je suis, d'ailleurs, pour votre information, hein, l'État de l'Ohio, nous sommes très proches du Canada. Ça fait seulement 7 heures de conduite d'ici Montréal. Bon, ça, c'est un franco-ivoirien, blablabla. Bon, je n'ai pas besoin de lire son nom. Vous êtes initié au Bouti Missoko il y a 15 ans, oui. Bon, après, qu'est-ce que vous dites? D'où ma question, si vous passez parfois, d'accord, si vous passez, j'aurais préféré le conseil auprès de vous. Oh, je n'ai pas besoin de venir au Canada pour vous donner des conseils, pour me contacter. Là, j'ai déjà votre contact, mais vous ne m'avez pas donné votre nom. Moi, je ne sais pas. Ah oui, oui, mon nom est, ok. Bon, là, votre nom, là, ça, c'est le petit nom. Moi, je veux le nom de famille. Ça, c'est la première question. D'accord, bon, pardonnez, ça, c'est un programme en rapport avec les funérailles de mon frère. Autre question. Voilà quelqu'un qui m'a appelé pour dire quoi, je ne sais pas. Eric, je ne veux pas dire votre nom de famille. Oui, vous voulez quoi? Vous voulez m'appeler? Mais vous ne m'avez pas appelé. Mais j'espère que vous êtes en ligne. Quelle est votre question? Je n'ai pas vu votre question sur l'écran. Ça, c'est quelqu'un qui m'appelle de Paris. Grand maître, je viens vers toi pour avoir une solution de désemboutement. Bon, maintenant, là, vous me tutoyez. Vous ne me connaissez même pas. Je ne connais pas votre nom. Vous ne vous présentez pas. Je ne sais pas. Le numéro qui est en France qui finit par le 2320, si vous me suivez, vous ne vous présentez pas. Et voilà ce genre de message, après vous êtes dessus. Je ne peux pas répondre aux questions comme ça. Je ne vous répondrai pas du tout. Parce que la moindre chose, c'est de vous présenter. Vous vous présentez que je m'appelle tel. Vous vous adressez à un être humain. J'ai un nom, je m'appelle Onouvier. Moreau Onouvier. Et quand vous adressez à M. Moreau Onouvier, présentez-vous que je suis tel. Mais là, vous me dites, bonjour grand maître, je viens vers toi pour avoir une solution de désemboutement. Bon, moi, je veux savoir quoi. On t'a envoûté où? Dans la nourriture? L'appareil génital, à l'école, le cerveau est calboigné, et ensuite, votre nom, c'est qui? Vous voyez? Ce genre de questions, je ne peux pas répondre. Voilà, c'est ce que je... Tous les jours, c'est ce que je ne fais que vous le répéter. Oh là là! Bon, ça, c'est qui? Salut! Yenge Kieno. Bon, là, vous dites quoi? Yengo Kieno, c'est votre nom? Yenge Kieno, vous voulez quoi? Je ne vois même pas d'informations. Voyez-vous? Comment voulez-vous que je puisse répondre? Rendez un peu la vie facile, mon Dieu. Vous adressez à quelqu'un qui essaie d'être humble. Parce que vous ne connaissez pas mon rang social que j'occupe aux États-Unis. Vous ne connaissez pas mon rang social au niveau de ma famille. Vous ne connaissez pas. Bon, certes, vous connaissez que je suis un maître spirituel. Et même là, ayez un peu du respect, s'il vous plaît. Hein? Ayez du respect. Présentez-vous. Bien, alors je crois qu'on a fini. Que Teta Mwanga nous bénisse. Voilà. J'ai fait tout pour finir avant 2 heures de temps parce que je crois qu'on a trop duré là. Samsung Galaxy S7 Edge connected. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse, ok? Que Teta Mwanga nous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Soyez tous salués. Était la volonté de Teta Mwanga. Nous allons nous retrouver d'ici là pour un autre enseignement. Peut-être demain matin, mais tout dépendra de la surprise que je vous ferai. Merci encore. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.